Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, radio locale et libre. Libre et locale, libre surtout. Et puis, le calendrier de ce soir, eh bien, ce sera Jean-Luc Mélenchon, les révolutions et les femmes. Ensuite, ça y est, il pleut sur la banquise. Blast, Panneau, Suez, Veolia, Colère et Macron, affaire d'État. Argument contre l'espéranto. Alors là, c'est une blague parce que c'est plutôt des arguments pour l'espéranto, une langue internationale qui est parlée par 20 millions de personnes à peu près dans le monde, hein, et qui est beaucoup plus facile à apprendre que la plupart des langues naturelles et normales, hein, c'est-à-dire... cinq fois moins de temps que pour apprendre l'anglais, par exemple, hein. Au moins cinq fois. Ensuite, impossible décontamination, une langue qui pourrait être intéressante pour l'Europe, espéranto. Ah oui, c'est en Europe qu'elle a été créée, et puis elle est particulièrement adaptée à l'apprentissage par les gens qui pratiquent les langues européennes. Alors, impossible décontamination, l'émission politique, Macron tente d'enterrer son passé... Macron tente d'enterrer son passé, et puis ben, une petite revue de presse, voilà. Lorsque nous étions encore enfants, sur le chemin de Bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle, sous le nez des tourterelles. Antoine, Timo, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier. Et pour pas les abîmer, on allait tout bal à pied. Antoine, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Antoine, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Johanna et moi. Ça compliquait bien un peu la vie, trois garçons pour quatre filles, on était tous amoureux, toi de moi et moi de lui, l'une hier, l'autre aujourd'hui, Anthony, bon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main. On a quitté les copains, Anthony, bon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anthony, bon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anthony, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le lundi 22 novembre? Eh bien, par exemple, le 22 novembre 1542, en Espagne, loi nouvelle, leyes nuevas, de la couronne d'Espagne, destinée à supprimer progressivement l'esclavage des Indiens dans les colonies de l'Amérique centrale et du Sud, il va sans dire qu'elle se heurtera à l'obstruction des conquérants. 1830, Suisse. Une manifestation provoque la chute du régime de restauration à Zurich. Les bourgeois libéraux prennent le pouvoir, mais ils ne songent en rien à soulager la misère des travailleurs. 1831, France. À Lyon, les canuts des faubourgs continuent à se soulever. Un drapeau noir apparaît avec l'inscription devenue célèbre « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». En deux jours de combat, il y a 600 morts, dont 360 militaires. 1832, Suisse, journée d'austère. Deux ans, jour pour jour, après la prise de pouvoir des bourgeois libéraux, les tisserands mettent le feu à la nouvelle usine de tissage d'Uster. La répression qui s'ensuit aboutit à des emprisonnements et des condamnations allant de 18 à 24 ans de travaux forcés. Ah oui, c'est pas rien d'être militant syndical ou politique. Eh oui, les militants, ils prennent des risques, les militants. C'est dommage qu'ils restent minoritaires, les militants. S'ils étaient majoritaires, les militants, eh bien, ils gagneraient beaucoup de choses, beaucoup de droits pour eux et pour tous les autres. Mais voilà, la lâcheté du plus grand nombre, hein, ben oui. 1885, Canada, suite à l'exécution de Louis Riel, l'indignation du peuple est à son comble. Une assemblée populaire rassemble 50 000 personnes pour protester. Mais les orateurs, dont Wilfrid Laurier, utilisent ce rassemblement pour leurs propres fins politiques. 1909, USA. Début historique de la levée des 20 000 ouvrières de New York. On en attendait 3 000. Mais après le meeting de grève au Cooper Union Hall, annoncé par des hommes sandwich avec des textes en anglais, italien et yiddish, 20 000 femmes entrent dans la lutte. En 1909, USA. 1916, Suisse. Grève des typographes de la Suisse romande. À Lausanne, 5 ouvriers en grève sont réquisitionnés par l'armée. Ils reçoivent l'ordre de se présenter en uniforme et de se mettre à la disposition de leur patron. 1920, Arménie. Le président des USA, Wilson, attribue officiellement au nouvel État arménien, reconnu par le traité de Sèvres du 10-8-1920, ses limites territoriales. Une grande Arménie, d'Erevan à Van, Bitlis et Trébizonde. Mais le jeune État s'effondre de suite. Une partie est reconquise par la Turquie, et ce qui est reste et soviétisé le 2 décembre. 1921, Afghanistan. Les Britanniques, qui occupent le pays depuis 1809, reconnaissent sa pleine indépendance. 1925, Madagascar. Un décret permet de jeter en prison un salarié pour rupture brusque et injustifiée du contrat de travail. La grève constitue une telle rupture de contrat. 1942, Allemagne. La 6e armée est encerclée à Stalingrad. Eh oui, s'il n'y avait pas eu Stalingrad, je crois qu'on vivrait actuellement sous la botte nazie. En France, dans le reste de l'Europe et dans pas mal d'autres pays encore dans le monde. Heureusement qu'il y a eu Stalingrad. 1946, Canada. Grève aux USA de la compagnie Noranda en Abitibi. 1951, République fédérale d'Allemagne. Le gouvernement fédéral demande au tribunal fédéral constitutionnel de considérer le parti communiste KPD comme anticonstitutionnel. République fédérale d'Allemagne. De droite. 1963, USA. Assassinat du président John Kennedy à Dallas, au Texas. 1969, USA. La Convention américaine relative aux droits de l'homme voit le jour. 1972, Grèce. L'Assemblée consultative de l'OTAN se prononce à l'unanimité pour le rétablissement de la démocratie parlementaire en Grèce. Rétablissement de la démocratie parlementaire en Grèce. Eh oui. L'OTAN, pour une fois, agit pour la démocratie. 1977, Indiens, Canada. L'Association des Indiens de Naskapi présente 2 doléances au gouvernement canadien. Il revendique le droit d'être reconnu comme nation, le droit à la survie comme nation et le droit à l'autodétermination. 1982, Cuba. Le poète cubain Armando Valladares, en prison depuis 21 ans, est libéré grâce à l'intervention de François Mitterrand. 1983, République fédérale d'Allemagne. Le Bundestag, après 2 jours de discussion, approuve l'implantation des euromissiles de l'OTAN par 286 voix contre 226. Donc, 1983, République fédérale d'Allemagne, le Bundestag, après 2 jours de discussion, approuve l'implantation des euromissiles de l'OTAN par 286 voix contre 226. 1983, Brésil. Des chômeurs affamés pillent. Ils pillent 11 supermarchés dans la périphérie de São Paulo. Alors que pensez-vous des supermarchés à São Paulo, des chômeurs affamés? Et que pensez-vous de l'OTAN? Ben voilà, c'est vous qui voyez. Thank you. oiseaux. On dit que pas tous ces pareils, qu'ils sont morts pendant leur sommeil d'un pauvre vitraux. Ceux qui s'étaient perdus ont dû s'en aller si haut, qu'ils se sont brûlés sur le soleil. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Nous nous sommes entretenus sur la Révolution française. Je voudrais aussi vous interroger, vous demander de réfléchir avec nous sur un aspect méconnu de cette Révolution, comme peut-être aussi de toute la Révolution, à savoir la place des femmes. Les femmes ne sont-elles pas les grandes oubliées de ces mouvements de l'histoire ? Sans aucun doute. Mais c'est un point qui est troublant. Parce que si on regarde d'un peu près, on ne va prendre que trois révolutions. Celle de 89, celle de 1870 qui donne la Commune de Paris, pour prendre des événements très forts de l'histoire, ou la révolution bolchevique de 1917, dans les trois cas, je dis bien dans ces trois cas, ce sont les femmes qui déclenchent la révolution. Et on ne le dit pas, parce que 1789, d'abord on a la Bastille, bon, très bien. Ben regardez qui est là, des hommes, des femmes. Et quand vous lisez le récit détaillé, vous voyez le rôle qu'elles jouent en rameutant les unes, les autres. Et ce sont des femmes qui sont dans la vie active, à Paris. Des femmes aux bras chargés d'enfants, qui sont donc la dernière ligne de survie de la société. Les femmes sont le reste du temps absorbées par les tâches de survie. Donc quand elles entrent en lutte, c'est que la lutte devient une des formes de la survie. Alors c'est d'une radicalité totale. Gare au pouvoir qu'il y a les femmes contre lui. En 1789, l'événement que même Michelet salue, Michelet qui n'est pas un grand féministe, hein, c'est même tout le contraire, il y a des traits très forts de misogynie dans sa lecture de l'histoire, dit « les hommes n'y auraient pas pensé à ce qu'elles ont fait qu'est-ce qu'elles ont fait ?» Eh bien, elles s'attroupent dans Paris parce que n'y a pas de pain. Mais au lieu de s'attrouper comme les hommes et de faire des délibérations et tout, ils vont chercher du pain. Alors, il y a déjà eu un pauvre boulanger qui est mort au début de la Révolution comme ça. Donc elles vont à l'hôtel de ville, elles disent « on a vu du pain » et tout ça, vraiment, bref, le ton monte. Et il y a des signaux très intéressants. Elles empêchent les hommes d'entrer. Elles leur disent « non, vous, vous restez là-bas, on n'a pas besoin de vous ». Et c'est ensuite qu'elles vont accepter que les hommes montent. Mais dans un premier mouvement, elles mettent les hommes dehors. Et elles vont partir de l'hôtel de ville à pied, mon cher. Pour aller à Versailles, à ce pied. Ce qui fait 25 kilomètres. Mais c'est une tirée, hein. Et alors en route, elle passe par Sèvres. Alors à Sèvres, tout le monde a faim. Donc on dit, il faut nous donner à manger et à boire. Alors il y a quelques types qui ensuite font les malins au procès en disant, moi j'ai fait ce que j'ai pu pour les calmer. En attendant, elle tape à toutes les portes, et notamment aux auberges et aux boulangeries. Et au désespoir des gens du lieu et des gens d'ordre, il se trouve que beaucoup d'hommes viennent leur donner le coup de main pour taper aux portes. Elles finissent par arriver à Versailles, là, on leur dit... On écoutez, est en octobre, le 5 octobre... Oui, 5 octobre 1789. Entre-temps, la cherté des vivres est toujours là. Entre-temps, le roi n'a pas voulu reconnaître l'abolition des privilèges, entre autres. Et les gens ont l'impression que la révolution patine, qu'on parle mais qu'on fait rien. Ça, c'est le point de vue de la radicalité concrète des femmes. Du point de vue de leur vie, il n'y a rien de changé. Elles vont donc là-bas, et elles, bon, on les amène à l'Assemblée nationale. Alors elle dit, on va toutes rentrer. Ah non, non, non, on leur dit, ça c'est pas possible, tout le monde rentre pas là-dedans, il y en aura que 6. Ah ben non, 12, non, 19, enfin bref. Une discussion pour savoir combien de monde va rentrer là-dedans. À la fin, pour finir, toutes sortes de gens rentrent, et s'assoient sur les bancs avec les députés. Donc vous imaginez l'ambiance. Et là, il est décidé qu'on va faire une délégation pour aller parler au roi. Tout ça, c'est la partie un peu officielle. Pendant ce temps-là, toutes les autres, en réalité, vont finir par donner l'assaut à Versailles. Et ça, il faut en comprendre le caractère terrible. Personne n'a osé faire ça depuis le début de la Révolution. On s'en est pris au symbole. Mais la Bastille, bon, c'est une forteresse dans Paris, c'est un symbole royal, mais l'histoire est plus compliquée. Beaucoup de gens voulaient déjà la démolir. Enfin, les barrières de Paris ont sauté, c'est l'impôt, mais c'est pas le roi. Là, c'est le roi, c'est son palais, c'est sa maison. Et elles vont envahir le palais. Alors, au début, elles se font ouvrir les portes en comptant sur la naïveté des gardes, qu'elles allument, on va dire, en quelque sorte. Et puis, les types font l'erreur d'ouvrir, alors, pouf, elles passent. Il y en a un qui va mourir, d'ailleurs, parce qu'il était un peu arrogant, il prétendait menacer les gens, donc il est mort. Son cheval est tué. Les gens qui sont là le mangent. Tout ça s'est produit, hein, là-bas, à Versailles. Le roi était à la chasse, il revient, on lui annonce que le peuple est dans le palais. Dans le palais. Elles sont rentrées, et elles coursent Marie-Antoinette jusque dans ses appartements, où Marie-Antoinette sort en dernière limite de sa chambre. Les gardes se mettent en rang, ça se passe mal. Hein. Pour finir, bon, tout ça se calme un peu, on fait refluer les gens, le roi est revenu, et dès qu'ils apparaissent à la fenêtre, les gens crient « Le roi à Paris ». Et alors, on pourrait dire, mais c'est une foule de femmes complètement exaltées. Non, elles sont très malines. Il faut voir les réponses qu'elles font. Par exemple, il y a un type qui vient qui leur dit, vous savez, du pain vous en auriez si le roi pouvait enfin retrouver sa tranquillité, que la révolution s'arrête. Elle menace de le lyncher en lui disant, non mais ça, vous savez, on connaît cette histoire-là, allez la raconter à d'autres, pas à nous. Et il y a un contenu tout le long, pendant qu'elle marche. Des fois, les hommes commencent à venir. La garde nationale, d'ailleurs, va rappliquer la nuit, le soir seulement, ils se mettent en mouvement. Mais déjà, dans la manif, en quelque sorte, qui va à Versailles, il y a des hommes. Et elles leur disent, derrière, vous, derrière, c'est nous qui marchons devant. Donc, il y a un contenu féminin, je ne dirais pas féministe, mais il y a un contenu féminin assumé, et féministe en ce sens qu'elles pensent que leur genre et leur condition est lié à leur condition sociale, et que ceci les situe dans un rapport différent à l'égard de l'autorité, que ne le sont les hommes, y compris leurs propres compagnons ou camarades de révolution. En ce sens, ce moment, et après c'est la personne sacrée du roi, enfin il faut se rendre compte de l'époque, le roi est obligé d'aller à Paris. Alors on dit, il va venir à Paris parce qu'il sera au milieu du peuple, éloigné des intrigues de la cour. Tu parles, bon, on voit bien que c'est une manière de mettre en mots le fait qu'ils ne veulent pas qu'il soit là-bas et qu'on ne sait pas ce qu'il fait, et qu'on veut le contrôler, lui et son entourage. Ça c'est la révolution de 89. La révolution de 1917, il va faire tomber le tsar. Le tsar Nicolas II, qui a des caractéristiques psychologiques assez voisines de Louis XVI. Un homme indécis, que le métier n'intéresse pas trop, et qui vit dans un monde qui n'existe plus, un monde mental qui lui fait tout trouver stupéfiant. C'est la journée des femmes qui démarre. Alors les femmes décident de faire une manifestation. Oui, voilà. Elles font la journée des femmes. Bon, il y avait beaucoup de femmes, des ouvrières du textile. Les ouvriers du textile, c'était le bas de la classe ouvrière. À Pétrograd, des gens que même les autres trouvaient bizarres, habillés bizarrement. Il y avait déjà une agitation féminine chez les ouvrières du textile, parce qu'elles avaient inventé un truc assez curieux pour humilier les contremaîtres qui les opprimaient. Elles en capturaient de temps à autre et elles les trimbalaient dans une brouette pour les humilier. On va retrouver un écho très lointain de la moquerie comme manière de destituer le pouvoir masculin, avec, dans les années 70 en France, les chatouilleuses à Mayotte. Ce sont les femmes chatouillées, les partisans de l'indépendance, pour les ridiculiser. Donc, je reviens à cette journée de 1917. Bon, premier jour, ok, d'accord, c'est les femmes, Tisserand, etc. Les partis sont pas trop d'accord, exactement comme la marche à Versailles. Ils n'étaient pas d'accord. Les principaux personnages disent, bon, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça va trop loin, il y a l'Assemblée nationale qui est là, bon... Pareil pour mars 1917, le début février, là, la Révolution. Les partis politiques, bolcheviques, mencheviks, socialistes, révolutionnaires, disent, vraiment, est-ce que c'est le moment d'aller faire une manif? On est en pleine guerre. Est-ce que vraiment, c'est pas une provocation qui va se retourner contre nous? Bon, très bien, la journée est finie. Le lendemain, elles reviennent. Avant, elles ont été voir les ouvriers des usines Poutilov, qui avaient été fermés, une sorte de chômage technique, pour qu'ils viennent aussi. Alors là, le deuxième jour, là, le ton monte, y compris côté gauche. Hein. On leur dit, bon, ça va, on a compris. Vous êtes en train de vous livrer à une provocation, ça va mal tourner pour tout le monde. Et côté du tsar, les choses aussi commencent à monter. On envoie les Cosaques, Et le troisième jour, ça continue. C'est un peu comme notre histoire de gilets jaunes d'un samedi à l'autre. Alors, tout le monde est stupéfait. Il faut pas croire la légende d'après laquelle tout ça est calculé, organisé. Tous les partis politiques sont stupéfaits et disent c'est une bêtise de faire ça. Parce que, alors évidemment, le troisième jour, comme ça fait deux jours que ça dure, on commence à voir arriver les militants politiques, bolcheviques et mencheviques essentiellement, qui viennent parce que, bon. Et ce jour-là, le système va s'effondrer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir là aussi comment il s'effondre. Exactement comme à Versailles avant. Ce qui s'effondre, c'est la force de maintien de l'ordre. Quand le rapport de force n'en finit plus, parce que vous avez des gens qui manifestent, vous avez une force de répression en face, bon, ben, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, ça dure. Quelqu'un finit par craquer. C'est pas le tsar qui craque. C'est ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre. Et ce jour-là, il y en a un qu'on peut plus, et qui dit, ben, puisque c'est comme ça, on tire. Et il sort son revolver. Il aurait pas dû. Parce que un cosaque qui est là voit ça, et le cosaque se dit, on tire pas sur des femmes. Et le cosaque tire sur l'officier. Et à ce moment-là, tout est parti. Tout est parti en morceaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir la folie du courage de ces femmes. J'ai regardé des gens ont fait des études sur le sujet, et il y a des états de la morgue, qui on retrouve à la morgue. C'est pareil d'ailleurs pour la Révolution française. Chaque fois qu'il y a des femmes, il y en a tout le temps. Hein. Ce sont des petites femmes, elles mesurent 1m50, 1m55. Imaginez-vous que le garrot d'un cheval est plus haut qu'elles. C'est-à-dire, quand elles arrivent, elles se jettent dans les pattes des chevaux des cosaques. Le cosaque qui est sur le cheval, c'est un homme grand en général, il a un immense chapeau, donc il les surplombe sans doute de 1m70, 2 mètres. Et vous avez ces petites personnes qui s'agrègent pour empêcher la cosaquerie de charger. Voilà, alors ça déclenche la révolution, c'est incontestable. En France, on peut dire c'est la Bastille, j'y reviens. Non, c'est les femmes qui vont récupérer le roi et l'amènent de force à Paris. Ce jour-là, c'en est fini de la majesté royale. Et la Commune de Paris, pareil. Les Français qui sont là, les Parisiens, ne veulent pas entendre parler de capituler devant les Prussiens. Bon, le point de départ est national, hein, de la Commune de Paris. Pas question. Oui, donc il y a des traditions. Et les gens sont en insurrection. La bonne bourgeoisie qu'organise M. Thiers comprend qu'avec les Parisiens, ça va forcément mal tourner. Parce qu'on les connaît, c'est le peuple populaire, il y a des usines plein Paris. On sait qu'il y a un travail des sociétés syndicales, ouvrières, de gauche. Ils ont compris qu'il vaut mieux se mettre ailleurs. En plus, l'Empire s'est effondré. Enfin, c'est pas une période de stabilité politique. Ils essayent de se ménager. Et dans le pacte qu'ils font avec les Prussiens, les Allemands, il y a le fait que les Allemands pourront occuper Paris. Alors ça, les Parisiens, pas question. Et il se trouve qu'à Paris, il y a 400 pièces d'artillerie qui ont été installées sur la butte Montmartre, aujourd'hui là où il y a le Sacré-Cœur. Mais à l'époque, c'était une butte. Et dessus, on avait installé les canons. Et il se trouve que les canons de Paris avaient été achetés par les Parisiens. Donc c'était leurs canons. C'était pas quelque chose qui leur était étranger. C'était eux qui avaient, par souscription, acheté les canons. Alors on leur dit, on va récupérer les canons. Donc on envoie deux généraux pour dire à la troupe qui est là, allez, on remballe. On descend les canons. Pas de peau, il faut y aller à la butte Montmartre. Donc il faut commencer par passer par en bas, donc ça se voit. Et donc en bas, eh ben, y a le peuple qui est là, et notamment Louise Michel, la grande figure de la Révolution et de la Commune, qui est à la tête d'une société, et les femmes, alors Louise Michel rameute tout le monde, exactement comme dans le mécanisme du départ à Versailles en 1789. Les femmes rameutent tout le monde, et même à ce moment de Versailles, là, Elles obligent les gens à venir. Ça, c'est ce qu'elles ont dit après dans les procès-verbaux. Moi, j'étais pas au courant, je suis allé comme ça parce qu'on m'a obligé. Mais quand vous lisez les comptes rendus du procès, vous avez plein de femmes qui disent « j'ai été obligé », c'est-à-dire qu'on les rameutait. Là, pareil, Louise Michel et les femmes qui sont dans cet arrondissement montent à Montmartre en entraînant toutes les femmes qu'elles peuvent. Elles arrivent en face des canons. Alors bon, là, le général dit « bon, allez, maintenant... prenez les armes, on joue, oh là là là là là, tirer sur des femmes, un soldat français n'aime pas trop faire ça, quoi. C'est des militaires, c'est pas leur truc, le maintien de l'ordre, ils sont là pour défendre la patrie et le reste, ils ont des pièces d'artillerie. Vous avez là-dedans quand même des gens qui sont d'un niveau culturel un peu élevé, parce que l'artillerie, c'est les officiers se font des maths par la force des choses. Hein. Donc ils sont pas d'accord avec ce truc de barbarie, et ils mettent crosse en l'air. Au passage, la foule tuera les deux officiers. Les généraux venir chercher les canons, et ça va commencer tout de suite, ça va être le déclencheur d'une insurrection assez radicale pour tuer des généraux, assez radical pour confisquer des pièces d'artillerie, et tellement radical que ces pauvres femmes, une nouvelle fois, il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas les bourgeoises qui sortent de leur salon, c'est le pauvre peuple, les gens qui vivent de leur travail, qui sont en état de survie, et qui suivent parce qu'elles ne veulent pas se rendre aux Prussiens. Ça a la même force de radicalité. On est monté à Montmartre, c'est pas pour regarder les canons, hein, c'est pour les prendre. Donc, et si vous voulez, ce sont des mouvements populaires qui ne s'arrêtent pas. Mais les trois fois, les trois exemples que je viens de vous donner, ce sont des exemples de révolution déclenchée par les femmes. Et ça a un sens genré et social. Si on voit la Commune, par exemple, on voit que les femmes, ensuite, disparaissent du paysage. Souvent, la Révolution de 1789. C'est pareil. Vous avez des femmes pendant toute la prise de la Bastille, des femmes pendant toute la lutte sur les barricades. Vous avez la figure, pour moi, magnifique, de Pauline Léon, parce que dans les femmes, le genre n'efface pas la classe, hein, à ce moment-là. Et Olympe de Gouges fait une déclaration très émouvante sur les droits des femmes, mais Olympe de Gouges, à la fin, se propose comme avocat pour Capet, pour Louis XVI. Bon, c'est pas notre monde. Tandis que Pauline Léon, alors évidemment, elle se colle la pancarte enragée. Hein. Pauline Léon, donc. Alors, c'est une femme extraordinaire, elle crée le club des citoyennes révolutionnaires républicaines. Et elles décident, les femmes qui sont là, elles tiennent des réunions, tout ça. En 1793. Oui, elles sont bien radicales. Elles décident que, d'abord, toutes les femmes devraient porter la cocarde. Bon, on leur dit, vous exagérez. Non, toutes les femmes. Et puis, les femmes doivent pouvoir aussi former des bataillons armés. Voilà. Et il se passe quelque chose qui est... Alors, au début, ça se coupe fort. Hein. Elles sont plutôt rattachées aux cordeliers qu'aux jacobins. Et à la fraction dite des enragés. Chez les cordeliers, c'est-à-dire Hébert, Chaumette, les personnages enragés, quoi, qui sont les plus sociaux de la Révolution. Considérés comme des gauchistes, ce qu'à mon avis ils sont, parce que c'est à cause d'eux que Robespierre va être arrêté. Les gens croient que c'est l'extrême droite qui a fait arrêter Robespierre le 9 Thermidor. Non, le président de séance, Claude Derbois, est en enragé, Billaud-Varenne est dans la salle, c'est l'extrême gauche qui fait ce jour-là l'erreur terrible de faire arrêter Robespierre. Et elle est manipulée par des corrompus. C'est comme ça, c'est l'histoire. En attendant, cette Pauline Léon est à ce point, spectaculaire, qu'il sera fait une sorte de bande dessinée de ce récit des femmes révolutionnaires. Vous l'avez au musée Carnavalet. Et comme vous savez, nous autres Français, les disputes historiques ne s'interrompent jamais. Donc, au fil du temps, quelqu'un est passé et a dit, mais... C'est pas acceptable, cette bande dessinée qui fait l'apologie de femmes enragées. Donc, on a coupé les commentaires et on a remis d'autres qui sont des commentaires réactionnaires. Donc, vous avez des images qui représentent des femmes révolutionnaires en train de se réunir, de discuter, de tout ça, et un commentaire qui les dénigre. Alors, c'est assez amusant. Mais Pauline Léon, à mes yeux, est la figure la plus importante de l'insurrection féminine populaire. Alors... Pour elle, ça va très mal se passer, vous avez raison, parce qu'il y a une misogynie qui, quand même, traverse absolument les rangs de tout le monde. Ceux qui vont être pour le droit de vote des femmes sont rarissimes. Hein. C'est Condorcet, Robespierre, l'abbé Grégoire, ils sont très peu, très très peu. Ça choque l'esprit, pas de question de ça. Et les enragés, qui avaient ma sympathie de jeune homme, et qui l'ont perdu sur cette affaire, tiennent des propos insupportables. Chaumette, grand révolutionnaire, dit « Nous allons rappeler aux femmes les devoirs de la dignité de leur sexe. » Hébert les regarde de haut. – Ah mais c'est que la misogynie n'a pas de côté politique. Hein. – Elle est très profonde et elle se porte en quelque sorte comme, les porte-paroles d'un ordre naturel. L'ordre établi est toujours ressenti par ceux qui y ont le pouvoir comme un ordre naturel. Le pouvoir des hommes apparaissait à l'époque, aujourd'hui encore beaucoup, moins bien sûr, mais apparaissait beaucoup comme un pouvoir naturel. Il était normal que l'homme domine la famille comme le roi dominait la société. Voilà. Tout ça, en attendant, n'empêche pas que la société, elle, est plus forte que les schémas culturels quand elles se mettent en mouvement. Oui. Et donc on voit les femmes qui ressentent le plus vivement les injustices sociales se mettre en mouvement, puis être éliminées. Elles sont éliminées, souvent repoussées par les hommes, C'est pas vrai 100% tout le temps, parce que elles sont éliminées de la représentation politique, mais pour autant elles continuent à être des citoyennes actives, à se mêler de toutes les étapes de la révolution, à avoir un point de vue sur le sujet, à participer à toutes les émeutes. Il y en a tout le temps, dans les listes de morgue, vous retrouvez des femmes, et c'est pas parce qu'elles passaient par là, hein. C'est bien parce qu'elles faisaient le coup de feu avec les hommes. Mais politiquement, en effet, il faudra des siècles pour que les droits politiques soient reconnus aux femmes. Peut-être alors que dans notre inconscient, nous reconnaissons cette part des femmes dans les mouvements sociaux, puisque c'est Marianne qui dirige la République, et derrière vous, vous avez aussi la figure de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Oui. Et de ce côté-ci, dans les tableaux de Buffet, on voit aussi beaucoup de femmes sur les insurrections. Oui, mais si vous voulez, c'est une image jusque dans le tableau de Delacroix, qui n'est pas une image autre que paternaliste et misogyne. Dans le tableau de Delacroix, la liberté est dépoitraillée. On se demande pourquoi elle a besoin d'avoir les seins nus pour accomplir sa mission politique. Tout le tableau présente le peuple dans une sorte de bestialité. On voit au premier rang du tableau un homme à moitié nu qui a perdu sa culotte dans la bataille. On se demande ce qu'il pouvait bien faire. On voit un enfant avec des revolvers dont tout le monde dit c'est Gavroche. Mais le personnage de Gavroche n'existe pas à l'époque où Delacroix a peint. Et dans les représentations, la femme est toujours convoquée en tant qu'image apaisante ou un peu violente, mais jamais dans un pouvoir politique. Dans le tableau de Delacroix, celui qui exerce le pouvoir, c'est le bourgeois qu'on voit derrière avec son haut de forme et ses revolvers bien rangés. De la même manière, Agulon a montré que dans l'iconographie de représentation de Marianne, nous avons la Marianne, on va caricaturer, mais c'est son propos. La Marianne de gauche, elle a les cheveux en mouvement. Elle est souvent dépoitraillée, on voit ses formes féminines. Bon, ça renvoie au regard que jette sur les femmes révolutionnaires l'ordre établi, qui les vit comme des dépravés, et ça continue aujourd'hui. Hein. Dans tous les pays du monde, les femmes, quand elles sont dénigrées et bestialisées, le sont toujours par rapport à leur animalité sexuelle ou supposée telle. Les hommes sont animalisés dans la brutalité, leur agressivité, leur violence. C'est toujours ça qui est mis en scène. Et en attendant, l'image de Marianne, donc pour celle de gauche, c'est comme ça, et celle de droite, je mets des guillemets, hein, parce que tout ça, c'est la Marianne des notaires, celle que vous voyez, les cheveux bien rangés, pas provocante pour un sou. Et entre les deux, vous avez des formes intermédiaires. Et dans la période contemporaine, tout ça se brouille. C'est-à-dire que la période contemporaine est celle de l'égalité civique des femmes. Donc on a moins le penchant de les considérer comme des intruses absolues dans la politique. La révolution en Tunisie n'aurait pas eu lieu sans les femmes. C'est quand elles descendent pour défendre leurs droits et exister politiquement, parce que c'est ça qu'elles défendent en Tunisie, au moment où elles ont la peur que surgisse après le gouvernement de M. Ben Ali une dictature islamiste. C'est ça dont elles ont peur. Donc, tant qu'elles sont là, pour dire ça, vous n'y toucherez pas les droits personnels des femmes. La révolution n'a pas débuté spécialement avec les femmes. Au démarrage, elle est mixte, hein, ne vous y trompez pas. Il y a les aspects non vus de la révolution tunisienne, c'est la vie des quartiers avec les comités de quartier qui souvent sont pris en main par des femmes. Et puis vous êtes en Tunisie où il y a une tradition depuis Bourguiba où les femmes ont été éduquées, diplômées. Disons qu'il y a eu une pratique politique qui a permis ça. Mais c'est leur présence massive qui a été repérée par tous les observateurs qui me fait dire moi aujourd'hui que quand il n'y a plus de femmes dans les manifestations, tout est perdu. Parce que ça veut dire qu'on va aller aux provocations, qu'on va et que si elles n'y viennent pas, c'est soit parce que la cause leur paraît entendue, ou non victorieuse, ou excessive dans ses formulations. C'est un indicateur très important. Et c'est là, dans l'affaire important, des Gilets jaunes, voilà, vous parlez des Gilets jaunes. On a beaucoup repéré la présence des femmes sur les ronds-points. Moi, ça m'a beaucoup évoqué les figures de la Révolution de 89, parce que ce sont des femmes, en charge. En charge d'enfants dans des situations sociales extrêmement compliquées, ayant des métiers très marqués par la précarité, comme l'étaient toutes ces femmes qui ont fait la marche de Versailles, parce que, vous savez, on a voulu les juger, quand même, amener le roi de force, ils ont voulu faire un jugement après. Bon, tout le monde a tout laissé tomber en route, parce que Ça devenait une histoire plus que suspecte, y compris on voyait des nobles apparaître dans cette marche. On avait raconté que c'était des hommes déguisés en femmes, ce qui n'est pas vrai. Bon, ça tournait mal, le procès tournait mal, donc quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit « bon, c'est bon, laisse tomber ». Mais il y a quand même les procès-verbaux. Et on voit qui sont les gens qui sont là, c'est vraiment des pauvresses, quoi. Pauvres femmes qui, mais très lucides politiquement, toujours des réponses malines, hein. Des fois, elles se moquent du vocabulaire de leurs inquisiteurs. Elles disent « j'étais dans la modestie que m'impose mon sexe, et si donc j'ai fait ceci et cela, c'est que vraiment on ne pouvait pas faire autrement », ce qui est assez malin, parce qu'elle renvoie à l'accusateur l'imagerie avec laquelle l'accusateur voudrait lui dire « mais vous, vous n'êtes pas tenu à votre place, hein. ». Donc, les événements politiques, nous devons retenir cette leçon de l'histoire. Quand les femmes y sont, tout est perdu pour le pouvoir qui les affronte, parce qu'elles n'ont pas prise. Très bien. Écoutez, je vous remercie, monsieur Blanchon. Voilà. Je pense que, par-delà les clivages politiques, militants et autres, notre discussion doit permettre à chacun de réfléchir, se faire sa propre opinion, contester, approuver, enfin... C'est toujours intéressant de l'approfondir pour être mieux préparé quand des événements surviennent, à les comprendre, les analyser avec une profondeur plus grande que l'instantanéité, avec toutes les erreurs que l'instantané peut suggérer comme comportement en réplique, hein. Voilà, donc là nous venons de traiter de la présence des femmes. Leur présence a été repérée dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu deux rendez-vous féminins. Bon, on voit que cette histoire-là chemine. Je crois que c'est la première fois qu'on voit dans un mouvement populaire un appel spécifiquement féminin être formulé. Je ne sais pas ce que ça donnera à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas quel sera l'impact de ce type d'événement sur le cours général des événements. Mais je l'ai repéré. Je l'ai repéré parce que l'histoire. Et que l'histoire m'enseigne que quand les femmes s'y mettent, c'est qu'on franchit un seuil. Très bien. Merci encore pour cet entretien, cette réflexion. La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu, ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. N'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Mike Horn, l'explorateur suisse qui est en train de traverser l'Arctique en passant par le pôle Nord, pas très loin d'ici, vient de poster un message de détresse sur internet avec des photos assez inquiétantes, en disant qu'il était en très grande difficulté à cause de l'instabilité de la banquise. Il lui reste à peine quelques jours de vivre et il a des gelures au niveau du nez et des mains. Mike Horn s'était lancé dans une aventure inouïe. Traverser la banquise avec son coéquipier Borge Ausland. Eux qui avaient prévu d'avancer sur de la glace solide tombent régulièrement face à des étendues d'eau. Le réchauffement climatique a modifié tous leurs plans. On doit traverser des zones d'eau. Il y a des brèches dans la glace. On progresse vraiment lentement. Il n'y a souvent qu'une fine couche de glace au-dessus de l'eau. Autant de pièges à éviter. À la place des températures polaires, il fait parfois plus 2 degrés. Et il a plu au pôle Nord. Mais pourquoi es-tu recouvert de glace ? La pluie a gelé sur moi. On est recouvert d'humidité. Ils ont eu bien du mal à atteindre le point culminant de leur voyage. Où sommes-nous, Borge ? Au pôle Nord. Au pôle Nord. On a vraiment, vraiment souffert. C'est réellement dur. Eux qui étaient partis début septembre espéraient arriver au Svalbard en novembre, où leur bateau les attendait. Épuisés, ils ont fini par demander de l'aide, ici, avec leur téléphone satellitaire. On a vu un gars qui est très jeune, du changement climatique. On l'a vu en passant chaque centimètre sur la glace. Il y a déjà un bateau brise-glace qui est en route pour secourir Mike Horn et son compagnon d'aventure. Nous, on va embarquer sur le bateau de Mike Horn, son voilier, le Pangaea, avec son équipe et sa fille Jessica. C'est une mission très compliquée à cause de la nuit polaire, des conditions météo et de la dangerosité de la navigation. Hello. Salut. Ça va? Et toi? Enchanté. Enchanté. Hugo. Jessica. T'es la fille de Mike? Exactement. Je suis Jessica Horn, je suis là dans l'Arctique pour aller récupérer mon père, Mike, qui est sur la banquise depuis 80 jours. Salut, Paps. Ben oui, ça va, super, je t'attends. Mais toi, comment ça va, Paps? Comment ça se passe? On a réussi à faire 50 km. 50 km, super. Oui, on se trouve à 82 degrés 50. 82,50? Ouais, 82,50. C'est une expédition risquée, mais nous sommes entre de bonnes mains. Notre capitaine est un habitué des courses autour du monde. Je suis Bernard Stamm, navigateur, je suis skipper du Pangaea pour cette mission. C'est bon, Dima, remonte à bord. On est parti. Leurs conditions physiques, là, elles en est où ? Ils sont extrêmement fatigués. Ils ont perdu 15 kilos chacun. Ils sont sur leur dernière ration de nourriture et c'est vraiment le moment où ils ont besoin de plus d'énergie. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment à la limite. La mission devrait déjà être terminée ? Oui. Ils avaient prévu de faire 2 mois sur la glace. Et là, est à... on est à 80 jours, 80. Ah ouais. Déjà 20 jours de plus à cause de la modification de la banquise. Le pôle Nord se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Là, ton père, il est vraiment sur la ligne de front du changement climatique pour cette mission. Exactement. Là, il constate à quel point il y a des gros problèmes dans les régions polaires. Ça faisait 13 ans qu'il n'était pas venu en Arctique. Et il a été tellement choqué par les changements, il s'attendait à ce qu'il y ait. Mais pas à ce que ce soit aussi drastique. Là, lui, il le prend en pleine face. Là, il le prend en pleine face, littéralement. Ouais. Ils avaient prévu des rations supplémentaires en cas de coup dur. Elles risquent de ne pas suffire. J'ai des gelures. Ici, au niveau de l'ongle. Et là, au bout du doigt, ça commence à s'infecter. Je crois que maintenant, il va falloir être très prudent. Parce que chaque jour, on rencontre de nouveaux dangers. Et pour voir ce qu'il y a autour de nous, on a seulement nos lampes frontales. On n'a pas de vision complète, donc on doit se servir de nos 5 sens. C'est vraiment très compliqué. Mike et Borge, ils sont là. ici en haut, voilà. Et puis ça, c'est la position du brise-glace qui est parti les rejoindre avec. Ils sont à combien de kilomètres ? Là, c'est à peu près 180 kilomètres. Ah oui, quand même. Là, ils n'ont pas assez de vivres pour marcher 180 kilomètres. Non. Non. Les explorateurs se trouvent ici sur la glace. Nous, nous sommes en route, là, sur le bateau de Mike Horn avec sa fille Jessica. Entre nous deux se trouve le brise-glace, le Lance. Il arrivera avant nous. Le Lance, c'est ce bateau norvégien parti immédiatement à la rescousse. Tout le monde l'appelle brise-glace, mais c'est en fait un navire de recherche, assez puissant pour s'aventurer dans une faille de la banquise, mais pas capable de casser une glace épaisse. D'ailleurs, il peine à progresser. Il s'est engagé dans un couloir d'eau qui s'avère trop étroit. Il rebrousse chemin et tente une autre percée plus au nord. Vous vous sentez comment ? On est fatigué, épuisé. Et là, on a mal aux pieds. Vous avez mal aux pieds ? Oui. On en a assez de manger froid aussi. Et ça fait presque 3 mois qu'on porte les mêmes vêtements. Là, il est vraiment temps qu'on arrive. Ah, je suis d'accord, Paps. Il est vraiment temps que vous arriviez. Il est temps que ça se termine. Mais vous y êtes presque. Allez, mon Paps, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Bye bye. Là, on est en train de traverser ce que les glaciologues appellent de la pancake ice. En fait, ce sont des millions de petites galettes de glace qui se forment à la surface. C'est le tout premier stade de la formation de la banquise. Sauf qu'à cet endroit-là, à cette période-là de l'année, on devrait rencontrer de la glace beaucoup plus solide que cette espèce de soupe. Bernard, notre skipper, se rapproche du Lance avec une obsession en tête. Éviter de tomber sur un iceberg. Ah bah ça peut faire du dégât, ouais. Ça pèse des tonnes, quoi. Ça a coulé des plus gros, quoi. Ouais. Tu penses au Titanic ? Ouais. Les pilotes se relaient à la barre 24 heures sur 24. Nous participons au roulement pour que le bateau ne reste jamais sans surveillance. La glace devient plus épaisse en se rapprochant du pôle. Plus épaisse et plus dangereuse. On utilise cette grosse lumière pour repérer les icebergs autour de nous. Tu peux aller réveiller Bernard ? Merci. Bernard, on a un souci. Ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. L'autopilote, il a lâché. Il n'arrive pas à voir la direction. Tu peux le diriger ? Stop. Stop, stop. Fais marche arrière. Je vais à bâbord. Le bateau de Mike Horn a été conçu pour naviguer dans ces eaux glacées. Mais il pousse les moteurs à leur limite. Ça marche pas ? C'est lié à quoi ça ? Il y a une surchauffe. L'autopilote remarche. Et ça fonctionne ? Oui. Pendant que nous peinons à avancer, Mike et Borgé reprennent la route pour rejoindre le Lance. Et à nouveau, un rebondissement. Une de leurs luges ne résiste pas. What a mess, Mike. Quel bordel, Mike. Ma luge est cassée. Elle est complètement foutue. Elle n'est plus étanche. J'essaie de la réparer comme je peux pour atteindre le bateau. Ils n'ont plus qu'un seul kayak étanche pour traverser les zones d'eau. Au même moment, le Lance se retrouve bloqué par la glace. Les sauveteurs doivent finir le trajet à ski, une arme en bandoulière, au cas où ils seraient attaqués par des ours polaires. Et ils s'élancent, dans le noir, vers les dernières coordonnées GPS fournies par Mike et Borgé. Donc, ils ont posé les deux sous la glace. Ils pensent arriver vers Mike et Borgé demain. Demain ? Demain, ouais. C'est bien. Donc, ça progresse. Yes. Ah, yes. Ça, c'est un des dangers de la navigation en Arctique. En fait, toute l'eau qui est projetée sur le pont, elle gèle instantanément. Et au fur et à mesure, ça alourdit le bateau, ça le déstabilise. Donc, il ne faut pas laisser tout ça s'accumuler. Ah oui, et petite info aussi, là il est midi. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est le cas. Ok Bernard, ok Yacek. Ok, j'y vais. C'est quoi le plan maintenant du coup? On attend ici que le Land se nous rejoigne? Normalement c'est ça quoi. Prochaine étape, ouais, c'est la rencontre de Mike et Borgé. Et après, faut qu'ils ressortent des glaces. Stand-by du coup. Stand-by, voilà. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Mike et Borgé descendent à leur rythme. Les sauveteurs à ski partis du Lance remontent à leur rencontre. D'ailleurs, Mike croit apercevoir des lumières au loin. Borgé empoigne sa caméra infrarouge en espérant filmer le dénouement de l'histoire. Mais énième coup du sort, il va enregistrer Mike en train de tomber dans l'océan Arctique. L'eau est à 2 degrés. On distingue ses skis. Borgé se précipite vers lui pour l'aider à s'extirper et monter une tente en urgence. Il fait moins 38 degrés à l'extérieur. Il doit très vite trouver un moyen de se sécher. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens juste de tomber à l'eau. J'étais déconcentré. Je suis trempé. Et tes mains, ça va? Mes mains, ça va. Mais il faudrait que j'arrive à enlever mes vêtements maintenant. Bon, bouge pas, je vais t'aider. C'est un sauvetage sans fin. Nous patientons dans une crique et nous apprenons cette histoire. Mike, qui est resté vigilant pendant 3 mois pour ne pas tomber à l'eau, se laisse piéger dans les dernières heures. Ultime coup du changement climatique. T'as eu les nouvelles, Bernard? Bah écoute, il y a Mike et Borgé qui ont passé leur point de rencontre. Donc ils sont à 8 km les uns des autres. Ah. Ouais. Cette fois-ci, ça semble bon. Les sauveteurs à ski finissent par distinguer un point lumineux dans l'obscurité. C'est la lampe frontale de Mike Horn. Salut les gars. Comment ça va? Et juste derrière lui, Borgé, définitivement hors de danger. On a réussi à traverser avec nos luges. Et waouh, quel moment incroyable, magnifique. Oh, Pabs, je suis tellement heureuse. Finalement, tu sais, je crois que je viens de vivre l'un des moments les plus intenses de ma vie. On a vraiment hâte de fêter ça et de se retrouver tous ensemble. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ok, rentre à la maison maintenant. C'est promis. Ok. Les derniers efforts sur cette banquise où ils ont pris tant de risques. Et ils atteignent la fin de l'aventure. Ils y auront passé en tout 87 jours. Ce sont les premiers témoins des bouleversements de l'Arctique cette année. Merci. Ils n'ont jamais été militants de l'environnement. Ils se revendiquent simplement explorateurs. Mais aujourd'hui, ils veulent témoigner. Ils se sont épuisés car ils avançaient sur des étendues de glace qui dérivent dans la direction opposée. Eux qui ont lutté pour progresser sur de la glace fondue et qui sont tombés dans l'eau glacée vont maintenant retrouver le confort d'une cabine chauffée. Juste en face du boulanger voisin. Moi, le dimanche matin, je me levais très tôt pour aller jouer au magasin. Là, j'appuyais sur toutes les poires, et ça faisait un peu de rafle, je vous prie de le croire. Je faisais marcher tous les grelots et tous les timbres et les klaxons, que c'était beau. Oh, midi, comme on avait congé, j'allais voir le maréchal Forger. Avec tous les amis, on écoutait le marteau qui tapait sur les sabots des chevaux. Soufflait, sifflait, pshhh, marteau cognait, le feu ronflait, nous on riait, le patron jurait. Le cheval braillait, comme il chantait Santa Lucia. Tous ensemble, on s'y mettait, c'était parfait, oh là là. Sur la place du village. Et moi, ce que je préférais, c'est le tir au pistolet. J'étais sage, alors papa me le ferait. Oui, tir au pigeon sur un carton. Petite auto, grand serpent de mer, et mouton, tonton, dentelle, le travers venant. Ouh, la femme s'attend. Et les manèges qui tournent, tournent, tournent autant. Pierrot, que j'adore, à la nuit, je m'en vais devant ses volets. Alors, j'y lance un petit caillou, il me rejoint devant chez nous, et on file se cacher dans les blés. Là, il m'embrasse, oh, que c'est bon, et il m'enlace, ah, pas si fort. Il me délace, il me concasse, il me fricasse, ah, pas comme ça, je suis sa bécasse. Enlève ta main, et le temps passe, oh, grand sournois, c'est mon Pierrot, je suis un Susan, c'est ça qui est bon, oh. Parce que c'est bon. Ah, c'est très bon, tiens. En fait, c'est pas mauvais du tout, ça. Et si la logique du buzz permanent, des polémiques se suivant et s'annulant, nous empêchait de hiérarchiser correctement les sujets d'actualité, d'identifier au final les vraies affaires d'État, celles qui témoignent des dysfonctionnements les plus préoccupants de notre République. L'affaire de la fusion à problème entre les groupes Veolia et Suez, numéro 1 et numéro 2 de l'eau et des déchets en France, qu'on peut appeler aussi l'affaire Kohler 2, du nom du secrétaire général de l'Élysée, accusé de trafic d'influence et aujourd'hui quasiment invisibilisé. Et pourtant, c'est du lourd. Ce n'est pas difficile à comprendre, mais il faut s'y mettre. À la base, c'est une offre publique d'achat de Veolia sur son concurrent Suez, une OPA vendue comme devant aboutir à la création d'un géant français de l'eau. Une fausse bonne idée selon des experts. En effet, elle pourrait aboutir sur des destructions d'emplois, des augmentations de prix liées à la disparition de la concurrence et à terme sur une entrée sur le marché français de multinationales étrangères pour justement recréer de la concurrence inscrite dans les traité de l'Union européenne. Mais c'est une fausse bonne idée qui a prospéré contre l'avis du ministère des Finances. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, on le disait, aurait poussé les intérêts de Veolia contre l'intérêt général. Il y a quelques jours, on apprenait qu'une enquête a été lancée par le parquet national financier suite à la plainte de syndicats. Alexis Kohler, que l'on qualifie souvent de vice-président tant son influence est grande, mais aussi des patrons de Veolia et d'Engie qui vendaient ses parts dans Suez, sont dans le viseur des juges. Le même Alexis Kohler, qui était cité dans l'affaire MSC, sur laquelle nous ne pouvons que vous conseiller l'excellent documentaire de nos camarades du Tout, nouveau média d'investigation, off-investigation. Pour démêler les chevaux de cette affaire, Veolia Suez à venir, qui pourrait être le plus gros scandale du quinquennat d'Emmanuel Macron, je suis sur le plateau avec Mathilde Panot, députée France Insoumise, présidente du groupe parlementaire France Insoumise, qui a dirigé une commission d'enquête parlementaire sur la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, tu considères cette affaire Veolia Suez, sur laquelle le parquet national financier enquête, comme une affaire d'État. Pourquoi ? Quels sont les protagonistes ? Quel est l'historique de cette affaire d'État ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est effectivement très important de parler de cette affaire. Donc, nous, on a rendu une commission d'enquête sur la mainmise des intérêts privés sur la ressource en eau et ses conséquences. Téléchargeable sur le site de l'Assemblée nationale. Exactement. Dont, évidemment, l'affaire de l'OPA Veolia Suez. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'affaire de l'OPA de Veolia Suez ? C'est que jamais une OPA ne s'est faite aussi vite, au détriment de toutes les règles des marchés financiers qui ont été faites. Et moi, je suis très heureuse qu'il y ait une enquête du parquet national financier sur cette question-là, parce que nous avons besoin d'avoir la lumière sur cette histoire. J'explique pourquoi avant d'expliquer les protagonistes. Parce que dans cette commission d'enquête, par deux fois, nous avons invité Alexis Kohler et dans une commission d'enquête, les personnes que l'on convoque sont obligées de venir sous peine de prison ou sous peine d'amende. Et par deux fois, M. Alexis Kohler a refusé de venir devant la commission d'enquête parce que devant une commission d'enquête, on prête serment de dire la vérité, toute la vérité. Et si c'est faux, si ça s'avère que c'est faux ce que vous avez dit devant une commission d'enquête, vous pouvez ensuite être poursuivi pour parjure. Et donc, Alexis Kohler s'est caché de notre commission d'enquête et a refusé de venir, ce qui est déjà extrêmement grave. Alors, qui est-ce qu'il y a dans cette affaire ? Vous avez évidemment le rôle de l'Élysée qui est peu clair. C'est-à-dire que donc vous avez Veolia qui absorbe son principal concurrent, Suez, et avec le PDG de Veolia qui est Antoine Frérot, qui par ailleurs est le même Antoine Frérot, qui était un soutien et officiel d'Emmanuel Macron, qui a financé sa campagne. Et vous avez ensuite le président d'Engie, donc Engie qui détenait des parts de Suez et qui les a vendues à Veolia. Ça, c'est un des scandales, c'est un peu compliqué, il faudrait y revenir dessus, mais en tout cas, vous avez ce protagoniste-là, M. Clamadieu, qui est aussi un soutien d'Emmanuel Macron. Vous avez ensuite un cabinet qui est le fonds Méridiam, donc le fonds Méridiam, qui est quelqu'un qui représentait le candidat Emmanuel Macron auprès du club des partenariats publics-privés, donc qui est aussi un soutien d'Emmanuel Macron. Vous avez un cabinet, donc qui est le cabinet Equanim, avec quelqu'un qui était avant PDG d'Engie et de Suez, donc qui est en conflit d'intérêts direct et qui a touché 10 millions d'euros. Et vous avez évidemment Alexis Kohler qui aurait passé des coups de téléphone, donc une intervention directe de l'Élysée dans cette affaire pour finalement favoriser Veolia. Pourquoi est-ce que j'explique ça ? J'explique ça parce que effectivement il faut s'y pencher sur cette affaire pour bien comprendre. Mais en gros, la logique, quelle est-elle ? C'est que Emmanuel Macron, sous ce quinquennat, a décidé qu'il allait faire des grands géants français. C'est ce qu'il veut faire avec Veolia, avec cette espèce de monopole sur la question de l'eau. C'est ce qu'il a fait avec ADP. C'est ce qu'il essaye de faire avec EDF. Et donc, on voit un président de la République qui, finalement, décide de favoriser ses copains. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment la République des copains dans toute sa splendeur, qui décide de favoriser ses copains, ceux qui l'ont soutenu et ceux qui ont payé sa campagne pour, finalement, favoriser des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Et cette OPA, si le PNF, le parquet national financier, ne fait pas toute la lumière dessus, aura des conséquences désastreuses sur la gestion de l'eau dans notre pays et d'ailleurs dans le monde, donc complètement contraire à l'intérêt général dans notre pays. Justement, en fait, on aboutit à une sorte de monopole privé. On a voulu éviter les monopoles publics. On a dit que c'était très mal les monopoles publics. Et on va vers un monopole privé qui va détruire des emplois, puisqu'il y aura des doublons forcément, et qui va aussi, quelque part, conduire à une augmentation des prix. Bien sûr. Et d'ailleurs, les collectivités territoriales qui seront en lien, puisque vous savez qu'il y a encore 60% des Français qui sont en délégation de service au public, donc c'est le privé qui gère leur eau, eh bien, ces 60% de Français, et donc les collectivités qui font les contrats avec ce monopole-là, n'auront aucune marge de manœuvre à discuter, à négocier, puisqu'avant, il y avait le choix, il y a trois grands géants, en gros, dans les DSP, il y a Veolia, DSP. Suez et la SOR. DSP, ça veut dire ? Délégation de services au public. Donc, c'est-à-dire que c'est l'eau est gérée par le privé, ce qui, à notre avis, est absolument dramatique. Mais on y reviendra. Mais du coup, évidemment que ça va avoir des impacts très forts. Alors, on nous dit, oui, mais il y a quand même un Suez-France qui continue de perdurer. Je vous ai pris les chiffres. Vous allez avoir un Veolia qui est à 37 milliards d'actifs, Suez 7 milliards. Donc, en fait, on crée un petit Suez-France pour dire que ça va perdurer. Mais c'est un Suez qui n'est pas viable, en fait, à long terme et qui, effectivement, va mettre tout le marché de l'eau privée en France dans la main d'un seul acteur qui est Veolia. Alors, quelque part, pourquoi, finalement, il y a mal d'eau ? Parce que on nous a expliqué que, globalement, il y avait un autre acteur qui devait, disons, être en concurrence avec Veolia. On nous a expliqué que le ministère des Finances appuyait une sorte d'offre alternative, mais par derrière, l'Élysée, en tout cas Alexis Kohler, peut-être de sa propre initiative, torpillait les choix de l'État, c'est-à-dire le ministère des Finances. Alors, soit le ministère des Finances faisait semblant de soutenir une offre alternative qui devait empêcher la constitution de ce monopole privé, l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée constitue un État dans l'État. En fait, il y a eu une duplicité extrêmement forte de l'État sur cette question-là. Alors, est-ce que Bruno Le Maire était sincère ou non dans son opposition à ce que tout se fasse extrêmement vite et dans le sens de Veolia ? Je ne sais pas, peut-être, peut-être. Mais ce qui est évident, c'est du côté de l'Élysée, et d'ailleurs ça se voit trois jours après l'offre de l'OPA, vous avez Jean Castex qui explique que cette opération a du sens, bien évidemment. Donc évidemment que du côté de l'Élysée, avec Alexis Kohler, mais Emmanuel Macron aussi avec, c'est pas juste Alexis Kohler, c'est Alexis Kohler et Macron qui ensemble torpillent en fait cette offre alternative, torpillent toutes les règles des marchés financiers. D'ailleurs, peut-être avez-vous vu, mais dans le parquet national financier, dans la plainte qui a été déposée, il y a aussi l'AMF qui est visée, donc l'Agence des marchés financiers. Pourquoi est-ce qu'elle est visée ? Parce que, dès le début, elle a disqualifié l'offre concurrente face à Veolia, et il se trouve que le gendre du président, alors faut suivre, hein, le gendre du président de l'AMF, donc de ceux qui ont disqualifié l'offre concurrente, est Julien de Normandie, qui est un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Donc, c'est une affaire où, très clairement, non, l'État n'a pas joué un jeu clair. D'ailleurs, l'État aurait pu empêcher qu'il y ait la vente des parts d'Engie, puisque tout part de là. Si Engie n'avait pas vendu les parts de Suez à Veolia, nous n'en serions pas là. Et l'État aurait pu l'empêcher très facilement. D'ailleurs, il se trouve que deux jours avant, il y avait un projet sur de l'importation de gaz de schiste dont l'État ne voulait pas. Eh bien, ils ont réussi très facilement à l'empêcher. Et là, il nous explique qu'ils ne pouvaient pas l'empêcher. Donc, personne n'est dupe de cette duplicité. Personne n'est dupe du rôle qu'a joué l'Élysée. Et je crois qu'on a besoin vraiment d'avoir des éléments précis pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que, pour le coup, je pense qu'on ne saisit pas encore toutes les conséquences qu'a cette OPA de Veolia sur Suez, mais que nous verrons très vite que sur la question, évidemment, du prix de l'eau, sur la question de la concurrence dont on parlait, sur la question des marchés qui vont être très défavorables aux collectivités, et sur la gestion publique de l'eau, nous allons avoir des catastrophes. Il n'y a qu'à voir ce que Veolia a fait en Guadeloupe, et on comprend bien dans quelles mains on est en train de mettre la ressource la plus vitale au monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Veolia, en Guadeloupe ? Veolia, en Guadeloupe, ils sont restés 70 ans. Ils sont restés 70 ans et puis d'un jour au lendemain, ils sont partis. Ils ont demandé 12 millions d'euros pour partir, plus un engagement des élus à ne jamais les attaquer en justice et eux-mêmes s'engager à ne jamais attaquer les élus en justice. Donc ils sont partis sur ça. Et quelle est la réalité aujourd'hui en Guadeloupe ? C'est que vous avez 70% de l'eau prélevée qui part en fuite, mais qui est quand même payée par les usagers. Donc des usagers qui ont 4 000, 5 000 euros de facture qui leur arrivent. Ils n'ont pas entretenu le réseau. Ils n'ont pas entretenu les réseaux. Et donc toute la population est sous tourdeau, à tel point qu'en France, en 2021, un enfant en Guadeloupe manque jusqu'à 1,5 mois de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Pas parce que le professeur n'est pas là, pas parce que je ne sais quoi, parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Donc, on est sur une situation qui est juste la violation d'un des droits les plus fondamentaux qui a été reconnu d'ailleurs à l'ONU, qui est celui du droit à l'eau. Et eh bien cette violation, elle arrive notamment parce qu'un acteur privé est venu, s'est gavé, n'a rien entretenu et est parti en toute impunité avec rien qui ne se passe absolument derrière. Alors ce qui est dénoncé là, ce n'est pas qu'une question morale, c'est une question légale. C'est-à-dire que l'autorité des marchés financiers aurait, si les choses se confirment, violé la loi. L'Élysée aurait violé la loi. Oui. En tout cas, Alexis Kohler aurait violé la loi. Ce sont des lois qui ont été violées. Ce sont c'est une affaire grave. C'est-à-dire que c'est une manière de subvertir vraiment l'intérêt public. Bien sûr. Ce qu'on reproche, c'est qu'il y ait eu à la fois des violations des lois, que l'Élysée était au courant de l'OPA qui allait se passer, et même pas juste au courant, aurait facilité cette OPA-là. Et si ça s'avère réel, si ça s'avère vrai, et il y a beaucoup de documents qui ont été saisis, donc j'espère que le parquet national financier va pouvoir faire la lumière sur cette question-là. Si ça s'avère vrai, c'est extrêmement grave en termes de non-respect de l'état de droit et en termes, là encore, de favoritisme qui est fait aux amis d'Emmanuel Macron. Et vraiment, qui montre que Emmanuel Macron a un mépris absolu des règles de droit, des règles financières, des règles économiques de notre pays, qui, je crois, serait vraiment, pour le coup, un scandale d'État qui va à côté de plein d'autres qui ont été faits et qui nous permettrait d'éclairer la manière dont aujourd'hui Emmanuel Macron, finalement, utilise sa position pour favoriser à la fois ses amis et faire des choses qui ne sont bon que pour les intérêts privés de quelques-uns, qui est le contraire de ce qu'un président de la République devrait faire. Alors Alexis Kohler, tu le disais, a refusé de répondre à vos questions, ouais. Sans conséquence. Il n'a pas été désapprouvé par son patron, qui est le président de la République, alors qu'il a violé la loi en refusant de se présenter à la commission d'enquête. On se rappelle aussi d'Alexandre Benalla et de son comportement vis-à-vis des commissions d'enquête qui l'ont interrogé, même s'il était obligé de venir. Comment tu perçois ce personnage, donc Alexis Kohler, qui est considéré par certains comme le vice-président, la grande ombre derrière Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui se passe? On a un État dans l'État? On a un gouvernement parallèle? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on a quelqu'un qui s'éclaire à une influence extrêmement grande sur Emmanuel Macron et dans l'ombre de beaucoup des scandales. Bon, tu en as évoqué plusieurs, notamment au début de l'émission, et qui en fait agit en toute impunité. En fait, c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que vous avez un homme qui n'est responsable devant personne. Je veux dire, on va pas demain aller aux élections et décider est-ce qu'on révoque ou non Monsieur Alexis Kohler, donc qui a un rôle de secrétaire général à l'Élysée et qui en fait agit en toute impunité, en toute violation des lois, sans qu'il ne se passe absolument rien. Et je crois que en ce moment, il y a une certaine fébrilité dans la Macronie sur les proches du président de la République, puisqu'il y a eu le procès d'Alexandre Benalla. Là, Alexis Kohler est visé par cette plainte du parquet national financier grâce à l'intersyndicale de Suez. Vous avez sa femme, Brigitte Macron, qui est aussi dans une affaire avec des écoutes qui ont été dévoilées dans Mediapart. Donc, vous avez une certaine fébrilité de l'Élysée autour de cette question-là. Et en fait, c'est bien, parce que oui, il ne doit pas y avoir d'impunité des proches du président de la République sur des questions de respect de l'état de droit. Alors, tu disais que finalement, la délégation des services publics de l'eau n'était pas forcément la meilleure chose qui puisse arriver. Comment on en est arrivé là? Est-ce que, par le passé, c'était des services publics majoritairement? Comment sortir finalement de la trappe des sociétés privées, multinationales, hein, comme Veolia? Et est-ce que aujourd'hui il y a des grandes communes qui arrivent à gérer leur eau sans passer par une multinationale? Ça, c'est un point extrêmement important parce que on a fait une enquête approfondie, du coup, grâce à la commission d'enquête, sur quels étaient les effets de donner la gestion de l'eau à une multinationale. Il se trouve que c'est toujours plus cher pour les usagers, notamment parce que vous payez éventuellement des dividendes, vous payez un directeur commercial dont vous n'avez pas besoin dans une régie municipale, donc quand vous remunicipalisez la gestion de l'eau, donc c'est toujours plus cher, toujours beaucoup plus opaque, avec des réseaux qui sont moins bien entretenus, puisque dans une régie, tout l'argent de l'eau retourne à l'eau, donc retourne notamment dans l'entretien des réseaux, ce qui n'est pas le cas quand vous devez payer des frais de siège, quand vous devez payer des dividendes, etc. Donc c'est plus cher, moins démocratique, en termes de gestion écologique, moins, gaspillage d'eau beaucoup plus fort qui se retrouve sur vos factures. Donc nous sommes très fortement pour la régie municipale. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que les multinationales ont beaucoup reculé ces dernières années dans le nombre de contrats qu'ils avaient. Aujourd'hui, vous avez environ 35 000 contrats qui sont faits sur la question de la gestion de l'eau. Seuls 11 000 sont des délégations multinationales. Ça a beaucoup reculé. Ça veut dire qu'ils ont divisé par deux leur nombre de contrats en une vingtaine d'années. Alors, il y a toujours 60% des gens, donc la majorité des gens qui sont avec des multinationales, mais n'empêche que ça a beaucoup reculé. Ça veut dire que le modèle dominant en termes de nos contrats dans notre pays, c'est la régie publique. Et pourquoi est-ce que c'est la régie publique? Eh bien, justement, parce que lorsqu'on observe la réalité de ce qui se passe quand on est en régie publique, eh bien, finalement, il y a beaucoup plus d'avantages de gérer soi-même son eau. Et c'est vers ce mouvement-là qu'on continue d'aller. Et c'est d'ailleurs pour ça que Veolia absorbe Suez aussi. C'est aussi pour maintenir des intérêts dans un moment où, justement, ils sont fragilisés et pour pouvoir garder ces contrats-là, notamment le plus gros contrat européen qui est celui du Cedif, donc de l'eau en Île-de-France, dont beaucoup des communes sont en train de sortir, d'ailleurs. Et beaucoup des grandes villes, aujourd'hui, revont vers la régie. Alors, une des premières villes qui l'a fait, c'est Paris et Grenoble. Ce sont les deux plus grandes villes qui l'ont fait dès le départ. Mais vous en avez beaucoup d'autres. Vous avez la question qui se pose à Lyon en ce moment. Vous avez la question à Bordeaux. Vous avez... Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que petit à petit, on est en train de jeter dehors les multinationales de l'eau en leur disant, en fait, on n'a pas besoin de vous pour gérer notre eau. Par contre, en reprenant les salariés dans la régie publique, avec, je crois, un sens beaucoup plus fort au travail qui est fait. Alors, on peut s'imaginer que Veolia, ayant l'impression qu'ils vont perdre une partie de leurs clients, ben, ont l'intention d'augmenter les marges en détruisant la concurrence. C'est-à-dire, dès lors qu'ils sont seuls, ils peuvent, ou alors quasiment seuls, ils peuvent peut-être augmenter un peu les marges pour ne pas trop perdre. Alors, il y a l'augmentation des marges, et puis après, il y a des choses un peu plus perverses. Par exemple, ce qu'ils sont en train de faire en Île-de-France, c'est qu'ils sont en train de développer une technique. Alors, ça fait 97 ans qu'on est en contrat, le Cedif, avec Veolia. Donc, vous voyez, c'est un long partenariat. Et il se trouve que c'est cet été que cet été en début d'année, que se décidait qui allait être le prochain partenaire après 100 ans passés avec la même multinationale. Vous imaginez dans quel état est Suez. Donc, forcément, c'est Veolia qui va avoir ce marché-là. Et je pense que le calendrier n'est pas anodin sur cette question-là. Il y a l'augmentation des marges, mais il y a une autre chose qui est, en fait, d'utiliser le marché français pour développer, et donc sur le dos des usagers français, pour développer des choses à l'international et être un espèce de géant de big data numérique et écologique. J'explique. En Île-de-France, ils veulent faire quelque chose qui s'appelle l'osmose inverse basse pression. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui consomme énormément d'énergie, qui par ailleurs rejette de la pollution dans les milieux aquatiques, qui permet de rendre une eau plus pure que pure. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que on passe l'eau dans un processus qui la rend tellement pure qu'elle n'est pas potable juste après ce processus-là, et donc il faut la reminéraliser pour qu'elle soit potable. Bon, il se trouve qu'en Île-de-France, l'Agence régionale de santé dit que l'eau est d'excellente qualité en Île-de-France. Donc, nous n'avons pas besoin d'une technique plus pure que pure qui utilise plein d'énergie, qui rejette des choses dans... Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils le font parce que c'est très pratique, ça va augmenter beaucoup les factures des gens sur la question de l'eau en Île-de-France, ça va augmenter beaucoup pour quelque chose qui est inutile et qui n'a pas été décidé collectivement. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que ça leur permet de développer sur notre dos une technologie qui vont ensuite aller vendre à l'international en espérant gagner des marchés de cette façon-là. Donc, des endroits où l'eau est peut-être moins pure. Des endroits où l'eau est peut-être moins pure et puis des endroits où, comme vous avez, vous vous rappelez Brune Poirson qui racontait à tout le monde, lorsqu'elle était secrétaire d'État, qu'elle avait fait le droit à l'eau pour toutes et tous en Inde. Et bien, il se trouve que qu'est-ce qu'elle avait fait en Inde? Elle avait privatisé l'eau. Et c'est ce que va faire Veolia en vendant des technologies, en disant, regardez, même si on n'a pas forcément besoin, regardez, on va utiliser cette technique-là. Et puis c'est aussi une technique, j'alerte dessus, hein, parce qu'il y a une question évidemment de quantité d'eau qui se pose pour l'avenir, c'est le dérèglement climatique, mais aussi de la qualité de l'eau. Et ça, c'est notre modèle industriel, notamment notre modèle agricole, qui font une pollution de l'eau extrêmement forte. C'est quand même vachement plus pratique, plutôt que de dire on change de modèle agricole, on arrête avec un paysan qui se suicide tous les jours dans notre pays, on arrête avec des pesticides qui empoisonnent tout le monde. C'est quand même vachement plus pratique d'avoir une multinationale qui vous dit, vous inquiétez pas, j'ai une technologie très chère que vous allez acheter, qui va rendre l'eau plus pure que pure, et puis comme ça, on n'a pas besoin de s'occuper de ces affaires-là. On continue tant qu'on peut avec un modèle qui rapporte de l'argent à d'autres multinationales, notamment Monsanto Bayer. Et en fait, on continue à tout va plutôt que de faire les ruptures dont on a besoin. C'est ça que Veolia est en train de faire. C'est ça que Veolia est en train de monter sur notre dos. Et c'est ça qu'ils vont aller vendre aux autres pays en continuant, nous, à aller faire je sais pas quoi dans des mines, faire je ne sais quelle pollution un peu partout, mais en disant, regardez, c'est super, on a une technologie qui permet de rendre l'eau plus pure que pure, qui est, à mon avis, une très, très, très mauvaise idée si on met le doigt dedans pour l'avenir. Ben là, justement, il parle de technologie. Il y a les technologies d'avenir, il y a aussi les investissements. Les multinationales ont accès aux marchés financiers à des conditions qui sont bien meilleures que celles des communes, surtout des petites et des moyennes communes. Est-ce que, quelque part, c'est pas ça qui est qui constitue le socle de la puissance de ces multinationales, dans la mesure où, bon, une ville comme Paris ou bien comme Bordeaux peut emprunter sur le marché, je suppose, mais une ville déjà plus petite, je sais pas, Charleville-Mézières ou Chambéry, c'est peut-être un peu plus moins évident. Les villes surendettées, c'est moins évident. Et surtout, en dehors de la France, les grandes villes des pays du tiers-monde n'ont absolument pas accès aux marchés financiers. Est-ce que c'est pas ça la puissance de ce modèle de multinationales? Alors, c'est sûr qu'il s'appuie sur cette question-là, mais en fait, il y a deux choses qu'il faut différencier. La première, c'est il ne faut pas aller dans le tout technologique sur l'eau. Il ne faut pas. Parce que si on commence à faire ça, par exemple en Guadeloupe, je vous disais, état des nappes phréatiques absolument inquiétante. L'Agence régionale de santé qui dit que si dans 10 ans on ne fait rien, vu que le réseau d'assainissement lui aussi est percé de partout, vous n'aurez plus aucune eau de qualité très bonne ou excellente en Guadeloupe qui créera des maladies chroniques, des problèmes sur le tourisme, etc. Et on nous propose de faire une usine de désalinisation de l'eau, donc de prendre de l'eau de mer et de la rendre en eau douce. Ça, si on commence à aller vers des choses comme ça, il y a des endroits où peut-être ça justifie, mais en Guadeloupe, il y a 3 fois plus d'eau par an et par habitant que ce qu'il y a en Hexagone. Si on commence à faire ça, ça veut dire qu'on enchaîne sur un modèle dont on ne sortira jamais. Donc il faut arrêter avec le tout technologique. Ça, c'est la première des choses. La technologie, ça peut se justifier dans des conditions extrêmement spécifiques, mais ça ne peut pas être utilisé pour justifier un modèle qui continue à détruire absolument tout, les écosystèmes, la vie et la vie humaine et la vie de toutes les espèces en général. Ensuite, il y a une deuxième des choses. C'est la question de l'investissement. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette en place des règles, notamment d'investissement dans les réseaux, où on n'a pas le droit de sous-investir dans les réseaux. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant des années. Les multinationales, elles faisaient leur beurre sur cette question-là. C'est-à-dire qu'elles sous-investissaient dans les réseaux, donc elles récupéraient l'argent de l'eau des usagers. Elles sous-investissaient, donc elles pouvaient distribuer dividende après dividende. Et d'ailleurs, on a vu dans les chiffres récemment encore que Veolia allait extrêmement bien. Donc, il faut mettre une norme où on oblige à investir dans les réseaux. Et la deuxième des choses, c'est que moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un grand plan d'État et qu'on arrête justement de faire dépendre d'une financiarisation ou d'autre chose la question de la ressource en eau, qu'il y ait un grand plan d'État pour qu'on remette à niveau les réseaux, ce qui permettrait à la fois de créer de l'emploi et puis d'avoir des réseaux qui ne gaspillent pas de l'eau à gogo, puisque dans l'Hexagone, on est à 20% de l'eau qui est perdue dans les fuites. Je le disais, il y a des endroits, notamment des territoires d'outre-mer, où on est à la moitié, voire à 7 sur 10 des litres qui sont perdus. Donc je crois qu'il faut aussi investir, que l'État investisse sur cette question-là. Nous en avons les moyens, et je pense que dans l'intérêt général, nous devrions arrêter avec la financiarisation de la ressource en eau. Peut-être avez-vous vu, mais une des raisons pour lesquelles nous avons créé la commission d'enquête, c'est que depuis novembre 2020, on peut spéculer en bourse sur la question de l'eau. Ça arrive à ce qui a été fait en Australie, qui est le premier pays à avoir créé des marchés de l'eau. Et lorsqu'il y avait eu les méga-feux en Australie en 2019, peut-être vous en rappelez-vous, mais à ce moment-là, il y avait eu un fonds de pension qui avait acheté des milliards de mètres cubes d'eau australienne pour arroser des amandes qui étaient ensuite envoyées à l'export, alors qu'il y avait les méga-feux à côté, eh bien, faire des marchés de l'eau, c'est ça. Croire que le marché est raisonnable, eh bien, c'est toujours faux. Et croire que le marché peut gérer une ressource aussi vitale que l'eau, eh bien, c'est, je crois, être une folie absolue. Donc, nous devons définanciariser la question de l'eau. Merci en tout cas, Mathilde, c'était passionnant. Voilà, c'est la fin de ce petit entretien qui remet les choses au clair sur cette fameuse affaire Kohler 2 et sur ce fameux scandale Suez-Veolia et plus largement sur la question de la privatisation et de la financiarisation d'une ressource nécessaire à la vie, c'est-à-dire l'eau. Merci à vous. Davida bela melodii, tre placis alti eladi, sed vine zorgas pri musica bruia. Dissonis tiel, bela tril, minora fal, majora bril, hesitas la regca in versas, alleluia. Vi credes firme, cae venis la pruve, shibani sin, en oracov, shia bellezza changis, tion tuie. Shilassis vin, en iu cantin, comprenis coron, conqueris vin, cae via il lipoi flustris gale. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Antau en min informis vi, pri viai planoi, pri via viv, sed nun via malgaias, cae enua. Grâce à ceux qui sont venus rigoler sur cette chaîne, eh bien, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais ça peut être intéressant. Autour de 1877, le jeune Ludwig Leiser Zamenhof constate avec sensibilité les difficultés de communication des habitants de sa ville natale, Białystok. Ville cosmopolite où cohabitent des locuteurs russes, yiddish, polonais et allemands. Rien que ça. 10 ans plus tard, il publie son ouvrage intitulé « Langue internationale ». Ce projet lui a valu d'être nommé une douzaine de fois au prix Nobel de la paix et se nomme « Esperanto ». Alors premièrement, je suis désolé pour ce qui vient de se passer, et deuxièmement, tu as tout faux, oui, puisque c'est la langue construite la plus utilisée dans le monde, devant le Klingon. I want blood wine. Quant aux estimations d'espérantistes, elles vont de 50 000 par Zamenhof lui-même seulement 8 ans après sa première publication, à 20 millions. Oui. 20 millions.

autorités souhaitaient maintenir des populations non évacuées sur des secteurs contaminés. Elles veulent également que ceux qui ont été contraints d'évacuer ou qui sont partis de leur propre initiative reviennent le plus vite possible. Pour cela, de vastes programmes de décontamination sont lancés. Mais comment prétendre pouvoir décontaminer plusieurs départements quand ce n'est même pas possible de le faire au niveau d'une seule propriété? Cette maison, par exemple, a servi de lieu de décontamination pilote. Les équipes de décontamination ont travaillé pendant plusieurs mois. Le sol a été décapé immédiatement autour de la maison, les rochers lavés au karcher. Les branches basses des arbres sur la colline en face de la maison ont été coupées pour limiter la quantité de radiation émise en direction de la maison. Les mesures effectuées par la CRIRAD lors d'un second déplacement au Japon en juin 2012 montraient que, malgré tous ces efforts, cette famille subissait encore, en vivant là, une dose de radiation 2 à 6 fois supérieure à la dose maximale annuelle admissible. Il faudrait en réalité raser les forêts alentour, enlever les sédiments du ruisseau en contrebas de la maison, décaper la terre du jardin, et en réalité décaper les sols à des centaines de mètres autour de cette habitation pour retrouver un niveau de radioactivité acceptable. Fin 2018, ces travaux de pseudo-décontamination avaient conduit à la production de plus de 17 millions de sacs de terre contaminés qui s'accumulaient sur plus de 100 000 lieux d'entreposage provisoire sans réelle protection contre de nouveaux aléas climatiques. La radioactivité qui a été déposée sur de très vastes surfaces ne va décroître que très lentement. Le césium-137 a une demi-vie de 30 ans, c'est-à-dire que sa radioactivité ne sera divisée par 2 que dans 30 ans, par 4 dans 60 ans, et ainsi de suite. Il faudra donc attendre des décennies pour retrouver sur ces territoires un taux de radiation à peu près normal. En attendant, la population va continuer à être exposée aux radiations par l'irradiation externe induite par les puissants rayonnements gamma émis par les sols et les surfaces contaminées, par inhalation de poussière radioactive remise en suspension au gré des vents et des travaux, semis, labours, chantiers, et par ingestion des denrées cultivées sur des sols contaminés. Dans une centrale nucléaire, l'énergie est produite par la fission d'atomes lourds, d'uranium et de plutonium. Des neutrons frappent ces atomes lourds et créent une fission qui consiste en la production de 2 ou 3 fragments plus petits, avec un énorme dégagement d'énergie, et l'émission de 2 ou 3 neutrons qui vont eux-mêmes induire de nouvelles fissions, qui vont dégager d'autres neutrons, qui vont engendrer également d'autres fissions. On est face à ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Dans une bombe atomique, cette réaction n'est pas contrôlée, et en quelques instants, on se trouve face à un dégagement colossal d'énergie. Dans une centrale nucléaire, au contraire, il s'agit de contrôler cette réaction pour qu'elle ne s'emballe pas. Mais dans tous les cas, la fission conduit à la fabrication d'éléments artificiels qu'on appelle les produits de fission. Il en existe plusieurs centaines et qui sont en général hautement radioactifs. C'est le cas par exemple du césium-137 et de l'iode-131. Le combustible nucléaire irradié devient ainsi progressivement très hautement radioactif du fait de l'accumulation de ces produits de fission. Un homme qui s'approcherait quelques instants d'un barreau de combustible irradié recevrait une dose de radiation mortelle. C'est pourquoi tout doit être fait pour que cette matière hautement radioactive reste confinée au maximum à l'intérieur du réacteur. En fonctionnement normal, toutes les centrales nucléaires sont cependant autorisées à effectuer des rejets radioactifs. EDF indique qu'il n'y a pas de radioactivité dans la vapeur d'eau qui s'échappe des immenses tours de refroidissement, en oubliant souvent de préciser que les rejets radioactifs atmosphériques ont lieu par de plus discrètes cheminées. La centrale de Bugey dispose ainsi d'une autorisation de rejet délivrée par l'autorité de sûreté nucléaire, qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de milliards de becquerels par an. Ces rejets sont de deux types, rejets dans l'atmosphère et rejets dans les fleuves ou océans. Dans le cadre des études radioécologiques qu'il effectue, le laboratoire de la CRIRAD a montré l'impact des rejets chroniques des centrales nucléaires et dénoncé les lacunes des systèmes de surveillance officiels. Mais cet impact n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe en cas de catastrophe nucléaire. Les barrières de confinement sont alors détruites et des quantités colossales de radioactivité sont alors rejetées dans l'environnement, comme cela s'est passé à Tchernobyl ou encore à Fukushima. Naoto Kan était premier ministre du Japon au moment de l'accident à la centrale de Fukushima Daiichi. Il a visité le laboratoire de la CRIRAD en février 2019 et a remercié l'association pour son engagement auprès de la population japonaise, pour son investissement sur le terrain et pour avoir contribué à l'émergence de laboratoires indépendants au Japon. Il a été surpris devant le graphique indiquant le niveau de radioactivité mesuré en France à Valence en mars 2011. Naoto Kan a expliqué que la situation à la centrale de Fukushima Daiichi en 2011 a failli être encore plus catastrophique, ce qui l'aurait conduit à devoir faire évacuer la population dans un rayon de 250 km, soit 50 millions de personnes, y compris Tokyo. Il a alors craint que la moitié du Japon ne devienne inhabitable et que ce soit la fin de son pays. Il a témoigné du caractère ingérable de la catastrophe nucléaire et encourager les autorités françaises à sortir du nucléaire, compte tenu des risques que fait courir ce mode de production d'énergie. 国が、きちんと責任を持って、まず汚染っていうもの、それからこれは被爆の問題だということを、政府はもちろんのこと、国民全体も、それと向き合うべきですよね。汚染の公害の被害である放射能汚染っていう事実とかから目を背けて、いろいろな上辺だけの施策や制度を図ろうとするのは間違いであって、例えば汚染がまだあるのに、人々をひたすら避難した人を帰還政策って言われてるんですけども、元いたところに戻そうとする。そのために住宅を打ち切ってみたりとか、いろんな様々な避難した人たちのための手当は一切これまでの8年間つけることなくて、戻すことに力を入れると表面的に人が帰ったように見せられますけれども、もともと避難をしたい人ができなかったり、被爆に脆弱である子どもたちが全然守られてないっていうのが、これ事実としてこの8年間進んできてしまった。 La catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 a confirmé les constats tirés de celle de Tchernobyl en 1986. On ne peut pas se fier aux autorités, ni pour apprécier la réalité des risques, ni pour assurer la protection des populations, que ce soit pendant la phase accidentelle ou après la fin des retombées radioactives, lorsqu'il s'agit de faire face à la contamination durable de vastes territoires. C'est ainsi qu'au Japon, des centaines de milliers de personnes peuvent être exposées à des niveaux de risque qui étaient jugés inacceptables avant la catastrophe et qui peuvent aller maintenant jusqu'à une dose de 20 millisieverts par an,

jamais manqué de respect à François Hollande. Il tente pourtant de s'en détacher systématiquement. En premier lieu, il rappelle ses désaccords passés quand il était conseiller, puis ministre. J'ai été conseiller pendant 2 ans. Comme je n'étais pas d'accord avec tout, je suis parti. J'étais pas d'accord avec l'absence de réforme économique qui allait plus loin. Je n'étais pas d'accord avec la déchéance. Je n'étais pas d'accord avec la politique européenne. Puis il tourne en dérision le président sortant. En février 2012, pour exprimer sa solidarité avec les salariés d'ArcelorMittal à Florange, le président de la République était monté sur la plateforme d'un camion de la CFDT. Écoutons à présent ce que dit Emmanuel Macron. Je considère qu'une campagne présidentielle, c'est pas pour faire des propos d'estrade avec des promesses qu'on sait pas tenir. C'est trop facile. Parce que je vais faire quoi? Je vais aller sur un camion et je vais aller dire avec moi ça fermera pas. Et on sait que c'est pas vrai. Ensuite, Emmanuel Macron fait allusion aux confidences de François Hollande à des journalistes, quitte à le mettre dans le même sac que Nicolas Sarkozy. Je considère que le problème des derniers quinquennats a été une trop grande proximité avec les journalistes. Enfin, le candidat du mouvement En Marche l'affirme. Il ne rejouera pas la carte du président normal que le chef de l'État avait abattu en 2012. Un président de la République, ça n'est pas quelqu'un qui est normal dans ses fonctions, qu'on le veuille ou non. C'est quelqu'un qui prend des décisions qui sont parfois difficiles, qui est confronté à des choses graves et profondément difficiles. Donc c'est pas quelqu'un de normal. Cette stratégie de rupture n'est pas nouvelle pour Emmanuel Macron. Il l'adopte aussi par rapport à son propre bilan. Car s'il déclare sans hésiter... J'assume tout. Je vous rassure. J'assume tout. Il a pourtant déjà tenté de minimiser son rôle dans certains dossiers. 2 jours plus tôt, face à Nicolas Dupont-Aignan, l'accusant d'avoir augmenté les impôts de 60 milliards, il affirme... Et à ce moment-là, je n'étais pas ministre dans la période que vous avez aimé. Non, c'est jamais vous. On peut être factuel. C'est jamais vous. Pas ministre, peut-être, mais Emmanuel Macron était le conseiller économique du président. Il a directement inspiré cette politique qui a consisté à augmenter massivement les impôts des ménages. Il avait d'ailleurs reconnu franchement en 2015, toujours sur France 2. Le choc fiscal, c'est vous. Vous l'assumez ? Mais je prends mes responsabilités. En 2012, on augmente en effet les impôts de manière substantielle. Et je crois qu'il ne faut pas se masquer en effet derrière ses responsabilités. Et j'y ai tout à fait ma part. La rupture n'est donc pas complètement consommée pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand on lui demande si son gouvernement ne contiendrait aucun ancien ministre, il ne ferme pas complètement la porte. Il n'y aura aucun ancien Premier ministre, et à l'exception peut-être d'une ou deux individualités, mais que je n'ai pas décidé. Je ne m'interdis pas une ou deux exceptions, mais en très large majorité, ce ne sont pas des politiques qui ont été aux affaires. Une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devines pas la cause. Ce que je te demande, une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise ni de boudoré, c'est ta balade, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche, de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Fume pas, bah t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi c'est du velours. Le tabac c'est le baume, la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Y'a l'alcool, on me parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La rouquine qui était une pocharde a donné son âme à des blaires. C'est ma morphine, c'est ma coco, quoi. C'est mon vice à moi, le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. gauche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, au fait, je vais vous le dire, c'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire, la misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en fous, mais donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est bon, c'est fort, ça tourne en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira moins farouche dans la fumée qui sortira de ma bouche. Une petite revue de presse ? Eh bien, si vous assistez. Mardi 16 novembre 2021, Vosges Matin, la vente de chanvre en ligne de mire. Alors, s'agit-il du chanvre qui permet de fabriquer des textiles? Non, je pense pas. Non, ça doit être autre chose, hein. Ça prend toute une page et ça se termine par un petit encadré dans le coin en bas à droite, en partie masqué par une sorte de grisé. Hein. L'Académie de médecine sceptique. Pour l'Académie de médecine, l'usage du cannabis n'a rien d'anodin, particulièrement pour les moins de 25 ans, dont le cerveau est particulièrement vulnérable, et au tétrahydrocannabidol, en lien avec leur maturation cérébrale non encore achevée, explique l'Académie. Parmi les arguments, les toxicités cardiovasculaires, cérébrovasculaires, pulmonaires, psychiatriques, immunitaires du cannabis, ainsi que ses effets délétères sur la grossesse et l'enfant à naître, mais aussi l'impact sur les accidents du travail et de la voie publique, ou encore l'impact de modifications épigénétiques sur les gamètes des individus en âge de procréer, à l'origine de modifications épigénétiques, source d'anomalies du neurodéveloppement et d'une addiction ultérieure. Sous sa forme fumée, la substance constitue un encouragement déguisé du tabagisme. Et voilà, voyez comment on nous mène, enfin, voilà, hein, on nous informe. Le courrier de Véran qui valide la reconstruction du CHU de Nancy. Le bâtiment central de Brabois sera détruit à la toute fin du programme de reconstruction du CHU RU de Nancy en 2030. Nous sommes en 2021-2030, ça fait 9 ans. Bon, alors pendant 9 ans, les patients, le personnel, ils devront s'adapter, hein. Voilà. 78%, on peut-être qu'il y aura quelques cliniques privées qui ont été construites dans les environs, puis que finalement on décidera que un hôpital public c'est plus tellement utile, hein. Bah oui, d'autant que c'est pas rentable pour certains. Hein? Rentabilité, c'est le maître mot de notre société, de notre type de société, depuis, bon, disons 2 siècles. Mais depuis ces dernières années, particulièrement depuis Sarkozy et Hollande et Macron réunis, que ce mot-là devient de plus en plus pesant par ses conséquences. 78% des Français interrogés pour le baromètre des territoires se disent heureux. Et double page dans Vosges Matin, hein. Double. 78% des Français sont heureux. Hein? Ça vous surprend, hein? Et vous voyez, heureusement qu'on a le journal pour être informé, hein, pour savoir ce qu'on doit penser. Sinon, on serait bien démunis. La société apparaît injuste pour 68% des Français. Quand même, il y a 54% sont convaincus que la réussite sociale est jouée d'avance et dépend des origines des gens. Et alors, santé, c'est la préoccupation personnelle la plus citée par les Français, 37% devant le pouvoir d'achat. À ce chapitre, 36% se restreignent pour terminer le mois et 39% ne comptent pas. Alors, j'ai ajouté dans la marge, et le chômage, point d'interrogation. Parce que rappelons qu'on a 6 millions de chômeurs en France. Hein, le même chiffre qu'il y avait en Allemagne en 1933. En 1933, Hitler a été élu à cause du chômage, ou grâce au chômage. Voilà. Alors, et le chômage, abat les traîtres. Ensuite, Fillon, procès Fillon. La défense demande l'annulation du dossier. Comme bleu nuit, costume bleu nuit, cheveux poivre et sel, François Fillon, 67 ans, est entré dans la salle d'audience sans s'exprimer face à la presse avec son épouse Pénélope au premier jour du procès en appel dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif. Bon, voilà. Hein? On a failli l'avoir comme président de la République, hein. Est-ce que ça aurait été moins pire que celui qu'on a actuellement? C'est pas sûr du tout, hein. Pas sûr du tout. Non. Décidément, l'électeur, il est pas très vigilant. Et puis après, il s'en prend pour 5 ans d'une mauvaise vie, l'électeur qui a mal voté. Politique, et puis les autres aussi, ceux qui ont bien voté, ils payent quand même. Le numérique contre l'abstention aux élections. Parce que le record d'abstention aux dernières élections régionales, 66%, inquiète à quelques mois de la présidentielle. Oh non, ça n'inquiète pas les politiciens de métier, ceux qui touchent un salaire pour être nos représentants au Sénat ou à l'Assemblée nationale, qui ne font pas baisser le chômage, hein. Non, il ne faut pas baisser le chômage, il ne faut pas baisser la misère, du tout. Non, du tout. On se demande à quoi ils servent. On se demande. Hein. Bon, moi j'estime que une centaine de sénateurs, une centaine de députés, payés deux fois moins ou trois fois moins qu'actuellement, ça serait pas mal. Ça serait un progrès. On pourrait dire que notre société a fait un progrès. Alors, le magasin Aldi de Chantraine va tirer le rideau. Oui, les gens, ils ont de moins en moins les moyens de se nourrir, d'acheter, alors ils achètent de moins en moins. Alors les magasins, ils ferment. Puis on licenciera des députés, des sénateurs et des directeurs de magasins, etc. Hein, et des ministres. Allons. Oh, quelle décadence, mon Dieu. Oh, la société vieillit, elle s'écrase, elle s'aplatit, enfin. Si les maires pouvaient eux aussi définir les zones de couverture ciblées, il n'y aurait plus de zones blanches en France. Bouygues, lier les territoires, voilà. Alors, Bouygues, il vend du New Deal Mobile. Alors, New Deal Mobile, what is it? Je ne sais pas. Je ne ferai pas la traduction. Moi, je ne parle que le français, encore. Les clients du Crédit Mutuel, Bouygues Télécom, à l'an dernier, racheté le portefeuille Télécom du Crédit Mutuel et ses 2 millions de clients, visant ainsi une meilleure implantation rurale. J'attends avec impatience ou sans impatience la prochaine Assemblée Générale du Crédit Mutuel. Ah oui, pour donner mon avis de mutualiste. Bouygues Télécom a été missionné pour installer la fibre en plus de la 4G qui couvre actuellement 95% du territoire. Alors, beaucoup d'augmentation début 2022 selon le MEDEF. Début 2022. Eh oui, juste avant les élections présidentielles, si le MEDEF veut que son représentant, M. Macron, gagne les élections, lui ou un autre, parce qu'ils ont plusieurs candidats en général, hein, eh bien, il faut qu'il parle éventuellement donner des augmentations de salaire. Eh oui. Alors, augmenter les salaires pour lutter contre la pénurie de recrutement, selon Roux de Bézieux. Pénurie de recrutement. Les patrons ont du mal de recruter, alors qu'il y a 6 millions de chômeurs en France. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans leurs propos, hein? Qu'on se fout un peu de notre gueule? Non? Vous pensez pas? Bon, continuez à voter comme ça. Et puis, ne venez pas vous plaindre. Beaucoup d'augmentation au début 2022, selon le MEDEF. De nombreuses entreprises augmenteront les salaires début 2022, a estimé lundi le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Pour plusieurs raisons, a-t-il expliqué sur RTL. D'abord parce que les salaires en 2020 et 2021 ont été peu augmentés. Parce qu'il y a de l'inflation et parce qu'on a du mal à recruter. Il y a des accords d'entreprise, il y a des négociations, il y a en ce moment 57 branches qui négocient et il y aura beaucoup de négociations en début d'année, a détaillé le président de la première organisation patronale française dont les entreprises adhérentes comptent plus de 9 millions de salariés. Voilà, monsieur Roux de Bézieux. Le patronat méritant. Hein? Tous les chefs d'entreprise, c'est comme les sénateurs, les députés, etc. Ils mériteraient tous d'avoir la Légion d'honneur. Tous. Alerte, maintien des urgences, 24 heures sur 24, appel à l'action. Le service des urgences de Remiremont, comme celui de Vittel, Neuchâteau, et bien d'autres hors département, se trouvent en grande difficulté. Tous les postes de médecins ne sont pas pourvus. Ah bon? Tiens. Ah ben on apprend des choses. Alors qu'il faut restaurer l'attractivité de l'hôpital pour les praticiens hospitaliers et les autres personnels afin de réduire drastiquement le nombre de postes vacants et ensuite limiter les tarifs de l'intérim, le gouvernement a décidé d'appliquer brutalement la loi RIST votée en 2017 en plafonnant les indemnités de l'intérim. Résultat, de nombreux praticiens remplaçants se tournent vers le privé bien plus attractif. Vers le privé bien plus attractif. Alors attention, ceux qui se tournent vers le privé, qui est bien plus attractif actuellement, dites-vous bien que quand le privé sera totalement dominateur, il ne sera plus du tout attractif. Eh oui, mais vous n'aurez plus la possibilité de repartir dans l'autre sens, vers le public. Eh bien non, puisque le public n'existera plus. Et ils l'auront tué, les salopards. Le service public n'est plus assuré, l'égalité territoriale rompue, le principe constitutionnel d'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence, n'est plus appliqué. Adémat H demande au gouvernement qu'à la veille de l'hiver, où les risques épidémiques de toute nature sont très élevés, le report du décret sur le plafonnement de l'indemnité d'intérim, la réintégration des 4 échelons non accordés au PH en activité, l'ouverture immédiate de négociations avec les professionnels hospitaliers pour rendre attractifs les métiers du soin dans le service public, ce que ne prévoit pas le projet de loi de financement de la sécurité sociale voté en première lecture cette semaine, alors que le ministre de la Santé s'est engagé à ne faire aucune économie sur le dos de l'hôpital. Le ministre de la Santé s'est engagé à ne faire aucune économie sur le dos de l'hôpital. Eh ben, si on est capable de croire des choses pareilles, de croire des gens comme ça, alors ben, ma foi, tout leur est permis à ces gens-là. Ils peuvent tout se permettre. Adémat H demande au DGARS, représentant de l'État dans la Grand Est en matière de santé, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public hospitalier. Voilà, service public hospitalier. Il y va de la mise en danger de la vie d'autrui, des pertes de chance, ça suffit. Comme l'ont exprimé des participants à la réunion publique au Ménil le 26 octobre. Nous ne sommes pas naïfs, les gouvernements successifs portent la responsabilité de cet état de fait. Ensemble, grâce à notre détermination, notre unité et nos actions et interventions depuis presque 6 ans, nous avons réussi à maintenir une maternité de niveau 2 et notre hôpital général, alors qu'il voulait le transformer en centre gériatrique, l'hôpital de proximité dans leurs éléments de langage. Voilà, ben tout ça c'est l'Europe capitaliste, capitalismus ist sehr stark. Alors, puisqu'on est dans les langues étrangères, une école du jean. Alors, jean, on pourrait dire pantalon. Un jean, c'est un pantalon. Oui. Alors, est-ce que c'est Jean, je ne sais pas comment, qui a donné son nom au pantalon en question. Voilà. Un jean. Pantalon. Alors, Made in France, Innoterra, Sébis, dès 2007 à Domexy. Siami de 2007 à Mexique. Alors, Made in France, on peut remplacer ça dans un journal francophone comme Vosges Matin du... Bah oui, du mardi, machin chose. Made in France, on pourrait remplacer ça par fabriqué en France. Alors, in France, en France, c'est le même nombre de lettres. Alors, fabriqué 2, 4, 6, 8 lettres au lieu de 4. Bon, il faudrait 4 lettres de plus. Bon, c'est pas ça qui coulerait le journal quand même, hein. 4 lettres de plus, bon, l'usure des caractères, l'encre, un peu de papier en plus, 4 caractères, c'est pas ça qui, hein, non, qui mettrait au chômage le personnel du journal. L'intelligence artificielle peut-être va jouer un rôle dans l'amélioration de la rentabilité des productions et des services. Eh oui, le cerveau artificiel se développe à vitesse grand V, mais discrètement, dans le silence. Les applications sont déjà entrées en douce, hein. Personne ne s'est aperçu de rien, on n'en parle pas. Mais la robotisation qui a fait des ravages dans l'industrie, en remplaçant les muscles du corps humain, eh bien l'intelligence artificielle va remplacer le cerveau. Et oui, et puis c'est sûr qu'on va y gagner, hein, dans certains domaines. Alors là, la fiabilité sera certainement très nettement améliorée. Sauf que ce qui est plus efficace peut être à la fois positif, mais peut être à la fois très négatif. Voilà, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Alors il faut être vigilant. Il faudrait être vigilant. On sera peut-être vigilant un jour, quand on aura fini de voter pour des Sarkozy, des Hollande ou des Macron. Garnier Thiébault a investi plus de 2 millions d'euros pour relocaliser une partie de sa production. Donc là, voilà des gens à inscrire sur la liste de ceux qui ont créé du chômage il y a quelques années. Ben oui, puisqu'ils ont délocalisé. S'ils veulent relocaliser, c'est qu'ils avaient délocalisé auparavant. Hein ? Eh oui. Eh oui, voilà comment on crée du chômage, puis après on crée un petit peu d'emplois. Ouais, mais avec des usines ultra modernes qui sont robotisées et tout ce qu'il faut pour ne pas créer trop d'emplois. Hein. Bon, il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'emplois pour que les travailleurs ne meurent pas tout à fait de faim et qu'ils continuent à fréquenter les magasins qui appartiennent à ces messieurs, dames, les riches. Eh oui, parce que si on n'achète plus... parce qu'on n'a plus les moyens, ben eux, ils ne vendront plus rien. Et de très riches qu'ils sont, ils viendront un peu moins riches et même pas riches du tout. Hein. Et oui. Et puis pour l'instant, la Lune est inhabitable. Hein. Et Mars, ben, c'est encore pire. Alors, Épinal, ATD Quart Monde lutte contre la grande misère. Oui, la misère moyenne ou la misère petite, ils n'ont pas les moyens. Hein. Ils s'occupent que de la grande misère. Que de la grande misère. Et c'est l'État qui devrait faire ça. Hein, l'État. Eh oui, les gens qui gouvernent en notre nom, qui nous gouvernent parce qu'on a voté pour eux. Vous vous rendez compte? Et moi, je me vante de ne pas avoir voté pour des salopards depuis 50 ans. Sauf une fois. Une fois. Mais bon, voilà. Hein, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, de cette fois-là. Alors, comment parler de la crise? Pas facile de trouver les mots justes pour parler de la crise climatique avec nos enfants sans les effrayer. Comment les aider à grandir dans un monde qui laisse peu de place à l'optimisme? Ben oui, parce qu'il y a la crise climatique, il y a la crise psychologique, la crise économique. Oui, le chômage, la misère qui augmente. Eh oui, et puis les hôpitaux qui vont fermer. On est mal parti. Ah oui, il y a des pays qui se développent, qui sont en pleine croissance, et puis il y a des pays qui sont en décroissance. Hein, nous, on nous met toujours dans les 5, 6 ou 7 pays les plus en avance dans le monde. En réalité, je crois que ça doit être faux. Certainement. Très certainement même. Mais bon, on se paye notre tête. Puisqu'on est disposé à laisser dire, à laisser faire, ben, tant pis pour nous, hein. Soignants, les autorités déclarent l'état d'urgence. Il manque 1 000 000 d'infirmières dans le Grand Est. L'Agence régionale de santé a présenté ses propositions pour lutter contre les carences chroniques et à venir en professionnels de santé dans tous les secteurs du soin. Former plus et mieux, telle est la devise. Ah bon? Et le numerus clausus, qui est-ce qui l'a inventé? Ce sont des gens de gauche peut-être? Non, ce sont des gens de droite. Ben oui, ben bon, voilà. Il faudra voter autrement, un jour. Immigration, un rapport gênant. Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les migrations s'invite dans la campagne présidentielle et révèle que la situation à Calais coûte 120 millions d'euros par an à la France. Ces propositions et les critiques de la politique actuelle embarrassent la majorité. Voilà, un campement d'un millier de personnes évacuées. Un important campement d'environ un millier de migrants a été évacué 100 heures mardi à Grande-Synthe, dans le nord, après plusieurs jours de fortes tensions. L'évacuation s'est achevée. En début d'après-midi, 663 migrants ont été, entre guillemets, mis à l'abri et 35 passeurs présumés interpellés, selon un communiqué de la préfecture du Nord. Alors le problème des migrants, eh bien c'est comme tous les autres problèmes. Il ne faut pas s'attaquer aux résultats, il faut s'attaquer à la cause. À la cause. Et la cause, pourquoi est-ce que des gens risquent leur vie pour aller vivre dans un pays dont ils ne vont pas apprécier le climat, en général, et puis dans un pays dans lequel ils risquent d'être très mal accueillis, et dans lequel ils vont être embêtés parce que leur langue ne correspond pas à la langue du pays, il va falloir apprendre une nouvelle langue, etc. Pourquoi des gens font ça? Pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pays comme ça? Ben parce que là-bas, on leur fait une vie impossible. Alors il faudrait que l'ONU, Organisation des Nations Unies, remplisse son rôle, c'est-à-dire constitue une sorte de gouvernement supranational et agisse au moins sur toutes les questions qui sont humanitaires et oblige les États d'où viennent les immigrés, d'où viennent ces pauvres migrants, les oblige à leur faire des conditions humaines, de telle manière qu'ils n'aient plus envie de partir. Voilà. Il faut prendre le problème à la source. Matraquer les gens, piétiner leur tente, alors qu'ils n'ont que ça. Même si on porte un excellent uniforme avec à la ceinture un Colt, je ne sais plus quel calibre, c'est pas la République. Non. Ceux qui ont fait la révolution en 1789, ils n'ont pas fait pour ça. Voilà. Un journaliste qui gagne entre 20 000 et 30 000 euros par mois ne peut pas critiquer le système qui le nourrit. Il est en conflit d'intérêts. Ce n'est donc plus un journaliste, mais un chien de garde du système. Un chien de garde du système. Voltaire écrivait ceci au XVIIIe siècle. Voltaire. La politique est le moyen pour des hommes et des femmes sans principe de diriger des hommes et des femmes sans mémoire. Il y a deux types de voleurs. Le voleur ordinaire, c'est celui qui vole votre argent, votre portefeuille, votre montre, etc. Et il y a le voleur politique, celui qui vous vole, oui, c'est des lettres un peu difficiles à lire, qui vous vole votre avenir, votre éducation, votre santé, votre sourire. La grande différence entre ces deux types de voleurs, c'est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler, alors que le voleur politique, c'est vous qui le choisissez pour qu'il vous vole. Voilà. Et l'autre grande différence, c'est que le voleur ordinaire est traqué par la police, tandis que le voleur politique est le plus souvent protégé par un convoi de police. Ouais. On vit dans un beau monde, Oh oui, oh oui. Bon, c'est pas de notre faute, Un peu quand même, bon. Vous trouvez que c'est un peu de notre faute? Oh bon. C'est vous qui voyez. Alors, un livre, tiens, les Français parlent au français, tome 2, 19 juin 1941, 7 novembre 1942. 18 juin 1941, un an d'antenne. Un an de messages d'espérance et de combats diffusés depuis Londres par une poignée de réfractaires qui, autour du général de Gaulle, ont refusé la défaite et la mainmise nazie sur la France. La mainmise nazie sur la France. Nous sommes en 2021, il ne faut pas confondre. Malgré le brouillage et les arrestations, l'audience grandit sur le continent alors que la résistance s'organise et que la guerre, désormais mondiale, après l'engagement des États-Unis, est à un tournant. Ce deuxième volume des chroniques de Radio Londres Radio Londres, c'était une radio libre, Radio Londres, couvre en effet une période cruciale. C'est l'attaque de l'URSS par l'Allemagne, les premiers revers des forces de l'Axe en Afrique du Nord, le retour de Pierre Laval aux affaires, la naissance du STO. Les Français qui parlent aux Français sont aussi les premiers à révéler l'ampleur de la persécution des Juifs, des rafles, des déportations, en particulier en Europe de l'Est. Alors, un autre livre, et puis on en restera là pour l'instant, pour cette fois-ci. Mathieu Maï, Rémi Langueux, Voyage au cœur d'une France fasciste et catholique intégriste. Voyage au cœur d'une France fasciste et catholique intégriste. Je suis heureuse que ce document existe, car il rend compte d'une réalité que l'on a beaucoup de mal à expliquer. Ce que vous allez lire permet de faire la part des choses entre le discours officiel et la réalité. Ceci est un document rare et glaçant. Signé Caroline Fourest.